Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui. Dans ce nouvel épisode du Floodcast, je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Bonjour. Nos deux invités cette semaine, ils sont journalistes et intervieweurs, l'une sur Camino TV avec C'est Agonifa, l'autre avec Le Code sur sa chaîne YouTube. Ils ont aussi animé ensemble le podcast Tier List où ils classaient les albums de rap français avec Yérim Sarr et Sandra Gomez. Vous en faites plus ça d'ailleurs? Non. Non, non, non, mais c'est toujours dispo. Si les gens l'ont remonté dans le temps, reviendra un jour. C'est pas du tout prévu, mais non, on sait pas. Non. On sait pas. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ça se consomme pas dans l'actu. Absolument. On peut le réécouter, voilà. Mais tu aujourd'hui participes à des vidéos de youtubeurs qui reprennent le concept. Tout à fait. J'ai, en vieillissant, j'essaie de ne pas être rancunier. Voilà. Bref, c'est Nifa et Mehdi Maizi. Ouais! Hey. Alors, comme à l'accoutumée, on va jouer au jeu du Floodcast. Quel métier fera son grand retour d'ici fin 2024 a annoncé une grande entreprise dont je ne peux pas dire le nom, sinon ça grille un peu la réponse. Poinçonneur? Pas du tout. Pas poinçonneur. C'est pas du tout. Ah, c'est vrai que ce serait fou. Ah, poinçonneur, c'est trop bien. Ça serait vraiment pas... Vu que maintenant tout le temps se dématérialisé, ça aurait pas trop de sens. C'est vrai. Alors, tu dis ça, mais en l'occurrence, on est vraiment sur un métier plutôt dématérialisé, mais alors depuis longtemps. Okay. Et là, c'est le retour d'un métier qui le ferait à ta place. Okay. Je fais une parenthèse. Apparemment, il y a une station de métro où il y a plus de tourniquet. Montparnasse. Ouais. C'est ouais, fou ouais. ça. Il y a plus de tourniquet, c'est juste t'as une borne. T'as des bornes. Et tu rentres, tu passes. Mais tu dois quand même mettre ta carte. Oui, oui. Oui, ah, mais oui. Tu mais peux passer même si tu valides. Tu peux passer sans valider. Après, c'est ta responsabilité. Ah, d'accord. Oui, donc ça s'ouvre pas avec. Oui, d'accord. C'est ça. Ah, c'est mais fou. Il y a un énorme couloir et une borne. Donc il y a oui. quand même. Tu dois faire la queue. Non. Non, non. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a. J'en ai vu deux en tout cas. Ok, ok. De part et d'autre du grand espace là, Montparnasse, quand on accède à la. Mais parce que c'est ça, Montparnasse, il y avait souvent un énorme embouteillage atroce à l'entrée. Et les gens disent. Tricher, voler. D'où le poinçonneur. C'est vrai, oui, c'est pour ça que j'y ai pensé. Poinçonneur, ouais, mais non. Mais non, c'est pas poinçonneur. C'est pas poinçonneur. Donc, tu dis c'est un métier qui est plus sur dématérialisé, genre sur internet. Pas sur internet. Waouh. On est sur du terrain. On est sur le terrain. On est sur le terrain. On est le rinté, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est sur le rinté? Je sens un peu obligé d'être un peu hip hop là autour de la table. Non, avec quoi? Mais on est. En tout cas, on n'est pas sur. On est moins sur Paris que banlieue et province. Enfin, pas province, on n'a plus le droit de dire. Attendez, province, région, excusez-moi. Ça se dit plus, province. Alors, écoutez, j'étais très surpris. On a annoncé la tournée. J'ai écrit un film qui s'appelle Vermine. Et on fait une tournée d'avant-première. Et on a mis province. Et il y a des gens qui sont un peu énervés dans les commentaires. Oh, d'accord, c'est péjoratif, c'est méprisant. En fait, il y a un truc de. D'où tout ça a un nom qui englobe tout, alors que à cause de Paris. Moi je suis d'accord, mais après tu peux changer le nom. Le concept de il y a Paris et le reste, ça changerait du coup. Tu peux dire en région, ça veut quand même dire ailleurs qu'à Paris, quoi. Oui. Donc changer le mot. Il y a un truc genre, tu je pense que tu autorises un peu la. C'est les régions. Ouais, voilà, il y a des différences. Alors que province, ça fait vraiment vous êtes tous ensemble. Paris, c'est dans une région aussi. Ça n'a aucun sens. Il faudrait annihiler le concept juste de Paris. Non, tu peux dire dans toute la France. Ce soir, Adrien annihile Paris. Ouais. Un bon joueur de foot. Annie Paris. Oh, Mehdi a détesté. Hélas. Non, j'ai juste mis du temps à comprendre. Il a tourné le. Je regarde moi, il a regardé ailleurs. Il a enlevé le casque, il a mis une droite au micro. Voulait dire j'aurais dû rester chez moi. Est-ce que c'est un métier de service? Oui, tout à fait. Okay. Très bonne question, Nifa. Un service qui a disparu, qui reviendrait. Disparu. Attends, le service a disparu? Non, le fait que quelqu'un le fasse pour toi. Une prestation. Une prestation qui n'existe plus, que tu faisais toi-même, voilà. Chat GPT, mais humain, quoi. Non. Un mec. C'est des pas nouvelles de ta relation avec ChatGPT, vous non, avez. Non, y'a rien non plus. Ça se tape. On prend des distances, ouais. Ouais, d'accord, ok. Une routine, quelque part, ok. Bon, c'est pas caissier, parce que ça existe encore. Ça existe encore. Dans l'intitulé, je vous disais, annoncé par une grande entreprise, donc je peux pas dire le nom, sinon ça vous dirait la réponse. Station pompiste. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Total Energy veut faire renaître le métier de pompiste en créant de nouveaux postes dans 300 de ses stations-service. Mais qui existe dans certains pays. Je veux dire, oui. Parce qu'il y a des pays où tu fais rien en fait. C'est ça. Apparemment, ils veulent mettre en place ce service. En 2024, jusqu'à 300 stations du groupe Total sur les 3400 du pays proposeront à leurs clients d'être servis par un employé chargé de distribuer le carburant à pompiste. Comme il y a des dizaines d'années, l'énergéticien, je savais pas qu'on disait ça, entend ainsi renforcer sa proximité avec ses clients. Une notion de sécurité très appréciée des clients, mais d'une notion de service. Ça cache un truc. Oui. Donc, Total, ils ont à cœur de créer des emplois. Vu que c'est annoncé par Total, c'est vrai que ça cache. Ouais, tu peux pas te dire. Ouais. Oh, bah trop bien. Merci, Total. T'as pas envie de dire ça. Je suis en méfiance. Moi, je. Non, non, il y a un truc chelou. Mais moi, j'aime bien le faire. Moi, j'aime bien qu'on le fasse. J'avoue, service apprécié. Oui, mais. Est-ce qu'il faut leur donner un pourboire ou pas? Ah, je pense. Oh, bah, je pense. Je préfère le faire, franchement. Est-ce qu'il y aura encore des pompes genre solo? Ah, bah, solo, oui, il y en a que 300 sur 3400 et c'est que Total. Ouais. Donc là, tu peux quand même y aller encore. Non, en fait, moi, ça m'angoisse pas de donner un pourboire, mais ça m'angoisse de savoir combien faut en donner et à qui il faut en bien donner. Bien sûr, c'est tout le problème. Ouais. Ça, c'est. Des fois, je suis genre, oh, est-ce que je dois lui donner? Ça se trouve, si je lui donne, vous, il va. Vous donnez en vrai les pourboires en France, c'est pas du tout la vérité. Ça m'arrive. Moi, c'est rare, j'ai pas le réflexe. Et une première fois que je vais à Montréal, où là-bas c'est une culture évidemment américaine, donc des pourboires c'est 20%. Voilà, c'est même pas. On en donne, c'est obligatoire. Oui, et c'est pas inclus dans le fric. Voilà, exactement. Et je me souviens que je vais dans un. Je prends un verre avec Schkid à l'époque dans un hôtel et je paye en fait, tu vois, et je donne pas de pourboire parce que je suis un connard de français, de parisien même. Oh là là. Je suis même pas un mec de région. Ouais, non, bien joué. Et donc je paye et je m'en vais et le serveur vient, m'attrape en fait. Enfin, pas de manière agressive, mais m'attrape, me dit excusez-moi, il y a un problème avec le service. Et je te jure, je me suis décomposé, je ne comprenais pas sa question. Il y a le fait que vous m'avez attrapé le bras, il y a ça, mais. Non, mais vous n'avez pas du tout d'accent, alors qu'on est quand même à Montréal. Je me suis senti minable, et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé retirer de l'argent et je lui ai donné un pourboire. Mais oui, mais bien sûr. Voilà, mais j'étais senti ils sont tellement gentils en plus. Ouais, non, en plus, voilà, et c'est vrai que le service est plutôt, voilà, mais de qualité. Mais j'avais pris une bonne claque là-bas sur l'obligation même du type. L'injonction. On peut plus rien faire. Non, mais moi, je sens en plus qu'en ce moment, je change un peu de classe sociale et pour moi le pourboire c'est toujours été là mais une pièce 2 euros, ouais, sympa, ouais. Et là je commence à traîner avec des gens qui claquent du 5 balles et tout, et là je fais calmos. Non, mais après, tu vois, si t'es très riche donne 5 balles. Oui, mais je rejoins Mehdi sur pas le réflexe. Pour moi, c'est je regarde un peu dans mes pièces et ça fait plaisir. Mais moi, je le donne quand ça s'est vraiment très bien passé. Hein. Ah, pas tout le temps non plus, voilà. Ouais. Au resto, tu donnes pas à chaque fois. Pas à chaque fois, c'est vraiment quand on a passé un délicieux moment. Voilà, d'accord. Et je donne 2 euros. En disant ça, merci pour ce délicieux moment. Non, moi, sur les applis de livraison de bouffe et tout, c'est tout le temps. Ah oui, oui, par thématique. Et c'est pas la même pénibilité, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Il faut avoir de la monnaie. C'est ça. Mais moi pour piste non, moi je pense que j'aime pas. Moi quand le McDo et c'est devenu genre ils te servent à table, j'ai détesté ce moment. Du coup tu prends le petit chevalet et qu'ils viennent te l'amener. Pour moi ça gâche tout ce qui est un peu sympa, quoi. Genre non, bah j'attends, je prends mon truc, c'est ce que j'aime le moins au resto, c'est d'être servi, moi. Ouais. Quand les mecs quand ils en font des caisses, genre ils viennent te remplir ton verre. Ah, moi je suis pas d'accord. Arrête. Ouais, mais toi t'es un bourgeois. En fait, je déteste les selfs. Genre les trucs là où j'ai un restaurant bobo à côté de chez moi à la caserne là, et tu vas, tu prends ton plateau et tu dois choisir toi, c'est la cantine et en plus on est où là, ça coûte extrêmement cher. Moi je veux qu'on me serve. Je veux m'asseoir et je veux attendre. Non mais je suis pas d'accord, mais je dis juste que le côté se faire servir, juste le moment, je suis un peu genre, je suis mal à l'aise. Après, mais parce qu'il y en a qui font trop de courbettes. C'est pour ça que je vous dis que le délicieux moment, c'est le dosage parfait entre d'accord. Je suis là, mais tu ne sais pas que je suis là. Et tu es là au moment où j'ai même pas encore anticipé le je veux de nouveau du pain. Tu l'as déjà anticipé. Et aussi, Chantal Lobby dans Mission Cléopâtre, quelque part. C'est vraiment ça, en fait. C'est que tu cherches. Et moi, c'est ça. Mais le truc de alors, ça se passe bien. Bonne fin d'appétit, machin. C'est très rasse. Et tu ne tutoies pas aussi. Tu me tutoies pas, sinon il n'y a pas de pourboire. On est d'accord. Je suis avec toi. Ah, et des petites blagues, des petits jeux de mots et tout. Ah non. Je veux pas de small talk en fait. Je veux vraiment que tu sois là au moment où on en a besoin et que tu disparaisses. Mais est-ce que quand on te reconnaît au restaurant, j'adore ce que vous faites, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous. Je toi, déteste. Toi, tu dois détester toi, Adrien aussi. Ça dépend comment c'est fait, c'est non, comme tout. Non, ça va. Mais c'est encore une fois, c'est du dosage. Si le mec il me dit. Le mieux, le top, c'est tu le dis à la fin. Voilà, ouais. Oh, en fait. Oh. Ah, je suis avec toi. Là, mais par contre, si le mec il me dit, c'est Black Mirror, les endives ou quoi? Arrête maintenant. Non, moi quand ça me demande mon top 5 rappeurs pendant le date, je suis sur un dos là, frérot. Laisse-moi faire mon truc. Et après, alors que voilà, l'élégance, c'est vraiment d'avoir fait c'est vrai que c'est d'organiser ce délicieux moment. T'es mon frérot, tu me laisses faire gérer mon dos et à la fin tu me dis Alpha One, j'adore ça. À la fin, avec un geste commercial peut-être. Voilà, c'est vrai que c'est le offre le repas si tu t'aimes vraiment. Alors j'ai appris récemment la formule SBAM. Vous savez ce que c'est ou pas? Pas justement, on parle de service, on parle c'est de un acronyme, j'imagine. C'est un acronyme exactement. Service. Non. Bon, j'arrête. C'est la fin de ce podcast. SBAM. C'est un acronyme, effectivement. On, c'est on quatre... dirait un album de rap, je trouve. Déjà. Ouais. Non, un rappeur même. Ouais, c'est ça. Ah. C'est même le nom d'un rappeur même. Bah alors, du coup, non, il y a une voyelle. Il y a une voyelle. Quand il y a une voyelle, c'est pas le nom. Ouais, c'est la chance, c'est trois personnes. Il y a une lettre en trop. Il y a une lettre en trop. SBM. Bah là, en tout cas, ce serait un rappeur extrêmement courtois si c'était un rappeur SBM. Alors le. Moi, attends. SBAM. Métier de service. De service. Je pense que tous les gens qui sont serveurs. Connaissent ça, tu penses. Ouais, pompistes peut-être, les prochains. Vous connaissez cet acronyme. Ça doit être des critères, j'ai l'impression. C'est pas des critères, non, c'est vraiment des. C'est une phrase, quoi. Enfin, non, c'est des choses, des choses indiquées à. Silence, sourire. Sourire. Serviabilité. Sourire. Bienveillance. Non. Ouais, mais ça doit être un délire comme ça. Ah, c'est sourire. Des... Bonhomie. Non, c'est sourire, bonjour. Bonjour, ah, j'allais oui, dire. Bah, ouais. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci. Oh, oh oui, bare minimum, vraiment. Ouais, vraiment, c'est. Ouais, bah, le bon sens dans la vie, en fait. Et pas que dans les métiers. Dans la vie, ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Dans... C'est cool, c'est comme ça dans la vie. Avec sa famille, ouais, voilà. Bien sûr. Tinder, l'application, a partagé des Attends, chiffres. On a trouvé le truc. Oui, on a trouvé. C'est ça. Mais tu as trouvé, Adrien. Les pompistes. Non, on a trouvé. C'est un travail d'équipe. Et c'est ça qui est beau. Tinder a partagé des chiffres concernant leurs utilisateurs. Quel profil revient les deux tiers du temps? Attends. Quel profil les profils d'utilisateurs. Bah des hommes blancs célibataires. Non, non. Alors, c'est un peu plus large que ça. Des beaufs. Pas des pas des beaufs. Tu as dit hommes blancs célibataires. Un des trois trucs est l'inverse, justement. Ah, mariés, des hommes mariés. Alors, en couple, des gens qui sont déjà en couple. Des gens oui. Deux tiers des gens seraient en couple. Et c'est des hommes ou des femmes, on sait pas ça. C'est mélangé. Ok. C'est mélangé. Deux sur trois. Petite intuition sur si c'est plus des hommes ou des femmes, mais je veux pas. Moi aussi, c'est dommage. Deux sur trois sont déjà en couple et seule la moitié d'entre eux compte vraiment rencontrer quelqu'un hors ligne. Donc, la moitié des deux tiers. Ouais, okay. Un tiers, je trouve que cette information est capitale. N'hésitez pas à reculer, à réécouter. C'est très important ce que tu es en train de dire. Voilà, c'était mon intervention. L'autre moitié choisirait de rester actif sur l'application sans aller jusqu'à la rencontre physique pour les mêmes raisons que sur les réseaux sociaux. Tinder est pour eux une source de divertissement et de connexion sociale. Ils veulent rester game, quoi. Un boost d'ego. Au cas où le couple s'arrête, ils n'ont pas perdu leur game, quoi. C'est ça l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. Oh c'est un peu l'idée. C'est une diversification de portefeuille, quelque part. Le pool. Exactement. Avoir un pool, tu le gères. Pool d'actionnaire. C'est la finance. Tu fais une école de commerce. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est oui, toujours là, c'est toujours ici. Hein. On n'oublie pas. Hein. On n'oublie pas. Sylvain, un auditeur, voilà, qui m'envoie souvent des news, et d'ailleurs, je le remercie, j'en place une petite. Il m'a envoyé un article sur les lois les plus étranges d'Europe. Et je vais essayer de vous les faire deviner. Ah, la première, par exemple, est une loi suisse concernant les animaux de compagnie. Qu'est-il interdit de faire? Ils n'ont pas le droit d'avoir un prénom humain. Non. Oh. C'est pas ça, mais très bonne idée. Très bonne idée. Bah, je détesterais. Voilà. Ah, bah alors, tu sais quoi? Hop, je fais un détour pour rebondir sur ta question. En France, il y a un nom humain qu'il est interdit de donner à un cochon sous peine d'amende. Et à ton avis, Jean-Marie. Lequel? Pas Jean-Marie. Attends. Un nom humain? Un nom humain. Alors, pas un prénom genre Frédéric, Pascal, Louise, non. Un nom de famille? Un nom de célébrité. Voilà. Ah! De célébrité, mais. De célébrité. Politique donc, ouais, j'ai plutôt politique, genre qui est historique. Dominique historique, Charles, non, Dominique, Charles de Gaulle. Non, pas Dominique, pas Charles. Balladur. Pas, juste Balladur. Balladur, le Napoléon. Cochon. Pas, très oh, bonne réponse. Mais attends, mais c'est mon premier point dans le fait. C'est dans la ferme des animaux, ça. Je sais pas. Le livre La ferme des animaux, le cochon s'appelle Napoléon. Harry Potter. Ah, peut-être. Harry Potter. Tu parles d'Harry Potter. Je crois que je marque un point et littéraire. Pourquoi peut-être. C'est une vieille loi en fait. Ouais, en gros, c'est Napoléon. Tu touches pas à Napoléon. Okay. C'est quand même un super mec, je veux dire. Il a rien à se reprocher. Donc. Mets du respect sur le nom de Napoléon en fait, s'il te plaît. Non, mais c'est en fait, et d'ailleurs, c'est le cas de toutes les lois que je vais vous énoncer. C'est souvent des vieilles lois okay. où ouais. ces vieux messieurs se sont pas posés pour dire peut-être. Qu'il faut les bouger, voilà. Ouais. En France, il y avait une loi, mais personne ne l'appliquait, qui interdisait aux femmes de mettre des pantalons, outre, à part pour faire du cheval, oui, par oui, exemple, oui. mais c'était oui. jusqu'en 2013. Ouais, ouais, mais ah, sauf oui. que. Jamais un keuf est venu voir une meuf en disant, excusez-moi, c'est où est le cheval? Où est le cheval? Où est le canasson, en fait? Bah, moi, je vois pas le cheval, madame. Bah, oui, excusez-moi. Non, bien sûr. Et la meuf, bah, si, il était là il y a 5 secondes. Je le cherche, justement. Donc je reviens à la loi suisse concernant les animaux de compagnie. Qu'est-il interdit de faire? Les Suisses, ils aiment la tranquillité, donc je pense qu'il faut pas. C'est un truc comme ça, non? Faut pas interdit de les ramener quelque part. Alors c'est pas vraiment un truc de tranquillité. Ok. Non. C'est avec tous les animaux de compagnie. Alors très bonne question. Je vais te donner un indice. Ils appellent ça des animaux sociaux. Alors, donc les chiens. Pas du tout. C'est pas des chiens. C'est pas des chiens. Animaux sociaux. Je peux pas vous dire l'animal parce que c'est en fait un peu la réponse. D'accord. Je peux pas vous le dire. Parce que ça concerne pas du tout tous les animaux de compagnie. Est-ce que c'est un certain animal que t'as pas le droit d'avoir comme animal de compagnie? Genre un singe? Alors non. Alors j'imagine si qu'il y a des lois aussi, mais c'est pas la loi qu'on cherche. Non, non. Là, on parle d'animaux assez anodins, des animaux que par exemple en des France. Des oiseaux. Il y a une, ouais. un certain type d'oiseau. C'est des animaux que tu peux trouver, je pense, en animalerie même. Encore aujourd'hui. Perroquet? Alors pas perroquet. Ménate. Qu'est-ce qu'un ménate? Bah c'est un oiseau qui parle aussi comme les perroquets, mais bien mieux que les perroquets. Et ça, personne le dit. Personne le dit. Bah, pour les perroquets. Je suis sportif parce que j'ai pas partagé une story. T'as mis une story aujourd'hui, oui, c'est pour ça que j'ai dit perroquet, j'ai vu tout à l'heure. Mais les ménates, d'ailleurs, vous savez que les corbeaux parlent aussi. Ah bon? Enfin, ils ont la capacité. Ils ont juste, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent faire flipper les gamins. Qui a un corbeau en animal de compagnie? Personne. Ouais, mais en vrai, alors corbeau ou corneille, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont la capacité de reproduire aussi les sons. Ah ouais. Me semble-t-il. S'il y a des ornithologues qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous reprendre. Et ça doit pas être du tout flippant d'avoir un corbeau qui te regarde et qui te parle. Ça dépend ce qu'il dit. S'il fait tranquille. Si c'est un corbeau bon délire, tu vois. Il te dit, est-ce que c'est bon pour vous? Bah, oui, voilà. Génial. Avec ses petites ailes, pour le geste. Ah ouais, voilà, ce serait incroyable. Ah, j'ai pas. Hein. Non, bah, je vais. Ça concerne des perruches ou des poissons, par exemple, ou des cochons d'Inde. On n'a pas le droit de mettre les poissons dans des cages et des perruches dans l'eau. Ouais, bien sûr. C'est, ouais. C'est l'inverse, ils disent. C'est. Non, ça concerne cochons d'Inde, perruches, poissons. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de les manger? Alors, déjà, mais c'est pas vraiment la loi. De les laisser en liberté? Les mettre en cage? Non, je vais vous donner la réponse. Allez, vas-y. Ah, t'aimes pas trop? Si, si, non. Mais... d'en avoir qu'un seul. Oh! Ce sont des animaux qui sont obligés d'accord sociaux. Mais putain, on aurait dû. C'était ouais, un bel indice. Qui est obligé de les avoir par minimum par paire, bien, ça, que ce soit perruche, poisson. En fait, okay. Exactement. Pas c'est les trop îles. Bien, c'est bien comme loi. Pas mal. Ok. En Grèce. Dur à faire appliquer. Bah, le poisson, ça va. Non, non, je vais dire à faire appliquer pour vérifier. Vérifier qu'ils ont bien deux. Rares sont les flics qui font des perquises pour vérifier défonce si t'as bien deux poissons. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a deux perruches chez vous? Où est la deuxième? Fausse alerte, il y a bien trois perruches. On doit lui rembourser sa porte. Elle était cachée dans son petit nid, pardon. En Grèce, il est obligatoire de porter des chaussures plates. À votre avis, pourquoi? Alors, pas partout. Attends, hein. Oui, voilà. Okay. Ouais. Oui, pour faire quoi, en fait? C'est par rapport au monument historique? Alors donc, oui, c'est la bonne réponse. Il est fort, hein. Il faut savoir qu'en Grèce, professionnel. Il est là tout le temps. J'ai 8 ans de bouteille. En fait, il y a des sols antiques en Grèce. Et donc il y a certains endroits où tu peux pas mettre des talons hauts ou des plateformes shoes ou des choses comme ça pour ne pas abîmer les sols et donc plutôt des chaussures plates. Semelle plate, c'est pas de talons. Oui, c'est ça. D'accord, moi je crois que c'était genre même des baskets avec un peu des crampons et tout du relief, c'était l'histoire ne le dit pas peut-être. D'accord, non, peut-être. Mais plate, à part des claquettes. Ouais, parce que plateforme, c'est quand même plat. Oui, ça paraît c'est un peu plat. Comme son nom l'indique d'ailleurs. Hein. Ouais. Plateforme. Écoute, je n'ai pas suffisamment d'infos, je n'ai pas assez bossé, voilà, tu me mets mon nez dans ma merde. J'ai pas enregistré le début de l'émission et je connais pas la réponse. Au Royaume-Uni, un acte au demeurant anodin est considéré comme de la haute trahison envers la famille royale si vous le faites à l'envers. À l'envers. C'est un truc que si vous le faites à l'envers, c'est de la haute trahison envers la famille royale. La bise? Pas la bise. Ouais, mais pas mal. Pas mal. Parce qu'ils conduisent à gauche, donc peut-être. Parce qu'il y a des dans le sud, ils commencent, enfin à Avignon en tout cas, ils commencent la bise avec la joue inverse de dans France quoi. Ah oui, non, mais on commence avec quelle joue en France? Bah à gauche. Enfin en France, j'ai dit. Waouh. Je sais pas. Là, j'ai dit en France, à Paris. Ouais. Terrible. Aïe, aïe, aïe. Je voulais dire le reste de la France, bien sûr. Non. Je suis parisiano-centré totalement, je suis d'une merde. Non, on commence par la gauche. Je sais pas. Hein. Moi, je pense que j'ai très longtemps que j'ai pas fait la bise. Comment ça va? Ouais, droite. Non, mais là, tu t'es laissé guider. T'as pris le lead. En tout cas, je sais qu'à chaque fois que je vais chez ma soeur et qu'il y a des gens locaux à qui. Locaux. Il est en mi. Non, mais il disait locaux. Des indigènes. Un peu loco. Loco en el coco. Non, à chaque fois il y a un truc de ah oui ici c'est de l'autre côté, ils font la bise dans l'autre sens et ils en font trois. C'est pour ça. En tout cas, c'est la bise. Ils en font trois. Alors trois, c'est bizarre. Oui, c'est vrai. Trois, c'est trop long. Déjà deux. Un chiffre impair, non. Le tchèque était bien. Ah mais bah, vraiment post-Covid, moi j'adore ça. Le point, oh là là, mais un bonheur. Moi, j'ose plus. Avant, c'est vrai que je faisais la bise, genre. Ah ouais. De manière, tu sais. Naturel à quasiment tout le monde. Mais je pense, et maintenant, je ne le fais, j'ose plus le faire en fait. Ouais. Je suis vraiment en question sur c'est zéro comment on dit sans bonjour. Soit le check, soit même je préfère un hug. Genre, ouais. Genre là, midi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, donc hug. Ouais, tu vois. Ouais, mais du coup, ça devient. Comment dire? Ça revalorise le hug et la bise, j'ai l'impression. Si tu fais un hug ou une bise, c'est quand même quelqu'un. Alors, tu faisais mais bise, il y a du bruit, il y a un truc, je sais pas. C'est trop près de la bise. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très. On rentre plus dans une zone qui me gêne que le hug. Et puis le bruit, il a fait. Oh là là, ça n'a aucun sens. Surtout que tu embrasses pas la joue, donc oui. T'embrasses l'air. Et si tu fais pas le bruit, c'est très étrange. Et oui, c'est le bruit qui valide. C'est embarrassant. Qui valide quelque chose. Genre... Et moi, quand j'étais petit, je faisais un bisou sur la joue. Quand je disais bonjour à des vieux. Filles au collège, et on me disait, mais en fait, non. Harceleur là-haut. C'est quasiment du harcèlement. Tu m'en rendais pas compte, mais bon. Par contre, je serais très fan qu'on instaure la bise sans bruit. Ça serait tellement ridicule que ça me plairait. Juste faire. Juste un geste comme ça. Faut dire une corée TikTok. En hein. Silence. Oh là là, Pascal Pro. Bah non. non, c'est pas ça au Royaume-Uni. Alors, c'est une activité qu'on fait pas tous les jours, je pense, hein, qui est même un truc qu'on fait quasiment plus de rares occasions, potentiellement administratives par exemple. J'essaie de vous aider, je sens que je vous perds, mais. Non, mais attends. Administrative. Moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai fait cette activité, c'était plutôt pour de l'administration. Donc c'est pas signé. Un truc avec changer des noms ou c'est pas non signé. J'ai pas changé de nom Mehdi, j'ai non pas, mais j'ai genre donner un nom personne en bagnole tout va bien. C'est pas signé, c'est pas non, pour c'est un pas enfant signé. Pas pour un enfant. Tourner des pages non oui. Comme des jours qui passent peut-être. Quoi, je sais pas, j'avais envie d'écrire un poème. C'est super ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on ferait à l'envers? Bah justement, ah ouais, tu le fais pas à l'envers, c'est, tu le fais normalement. Pensez déjà, je pense comme ça. Quelle est une activité que tu fais normalement? Toutes. Ok, donc ça c'est bon. Donc voilà, vous avez bien réduit. Non mais lié à l'admin, à l'admin. Bah, qu'on peut les faire, impôts. Pas les impôts. Faire la queue à non, la mairie. Non. C'est vrai que depuis l'arrivée d'Internet, on le fait beaucoup moins. C'est avec des paplards. Ah, ça c'est intéressant. Depuis l'arrivée d'Internet, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup mais moins. Mais c'est lié à la paperasse. Oui, une certaine payer manière. Son loyer. Non. À l'envers. Des factures, il est interdit que le propriétaire te donne lettre. De l'argent. Alors, on s'approche, on est tout proche. Coller un timbre. Voilà, très bonne réponse. Tu colles un timbre à l'envers. À l'envers. Ah. Au Royaume-Uni, vous avez la stricte interdiction. Oh là là, calmez-vous, les gars. Coller un timbre à l'envers. Mais c'est aussi, on leur donne trop de force à aimer leur famille royale là, dans d'autres pays. Pourquoi? On les aime, on s'en fout, non? Vous ça? Ils se croient. Non, le timbre à l'endroit. C'est bon, calmez-vous. Mais c'est un vieux truc, hein, te dis. Les gens filment vos mariages, je comprends pas, donc. Moi je suis surpris que la télé française mette autant de place au truc anglais. C'est oui, vrai. Bah peut-être qu'il y a quelqu'un sous ton toit qui adore ça et qui regarde tout. Ma meuf est très passionnée culture anglaise et c'est vrai que c'est une incompréhension. Ouais, je comprends qu'on aime. Et c'est un feuilleton un peu. Oui, un c'est peu. Ça crois en que fait. C'est ça. Mais, écoutez, c'est un feuilleton qui est pas très loin, qui est vrai du coup. Ouais. Je pense que les Anglais ils donnent aucune exposition médiatique à ce genre de choses chez nous, tu vois. Je pense qu'ils s'en foutent de la France, mais complet, tu vois. Oh, l'enterrement de Chirac, il est quand même passé sur BBC One à 20h50. Non, ouais, non, je pense pas. C'est télé-réalité, en fait. Oui, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Bah, c'est complètement ça. Moi, je suis un peu tombé dans les Kardashian à un moment. Ça ressemble vraiment à un délire de famille royale. Ouais, tu sens les positions dans la famille et machin. Oui. Et je pense que c'est ça qui fascine un peu les gens. Complètement. L'autre truc qui est interdit de faire en Angleterre, c'est mourir dans le Parlement. C'est interdit de faire. Si tu meurs dans le Parlement, ta famille reçoit une très forte amende. Il est interdit de mourir dans le Parlement. Bah, incroyable. Tu contrôles les sons. Mais non, tu peux pas contrôler. Ils sont spé. Mais non, mais tu vois que tu vas faire un infarctus. Tu fais. Oh, sortez-moi d'ici. Je vais ruiner ma famille. Tu sautes par la fenêtre. Et les morts de quoi du coup? Bah. Alors, encore plus fou, et là c'est une des plus surprenantes, je trouve, parce qu'elle est pas très spécifique, mais je trouve ça fou de mettre des amendes. En Allemagne, que n'avez-vous pas le droit de faire sur l'autoroute? Chanter. Tu vois. Non, t'as le droit de chanter. L'amour. Pas l'amour. C'est lié ou pas du tout? Parce que t'as pas fait du un... tout. Ah, okay. Non, j'y ai pensé parce que tous les trucs se faire branler. Faire caca. Non, pas faire caca. En roulant, c'est en roulant. C'est en roulant. Oui, d'une certaine manière, c'est se en roulant. Se garer quelque part. Pas se garer, mais tu t'approches. Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc de charité parce que je trouve qu'il c'est des fous furieux. Hein. Ouais, bah alors c'est pas ça. Bah, déjà, il roule à 340. Ouais, voilà. Donc je suis plus dans le stationnement ou dans le truc de. Tu bloques, c'est fou furieux. C'est oui, ouais, comme Ross dans Friends, tu roules en dessous de 50. Ah, j'allais dire ça. Non, en non. Rouler en dessous de 100, un truc non. Comme ça. Non, mais ça, je pense qu'il y a des interdictions, c'est très dangereux ouais, aussi. Ah, bah, il y a des. Ouais, c'est oui, même en ville, même partout, je crois que ouais, t'as pas le droit de rouler en dessous de je sais pas combien. Ouais. Parce que tu disais faire l'amour, ça, c'est un truc qui est interdit en France. Il est interdit de s'embrasser sur les quais de gare normalement. Mais quoi, je vous dis, mais c'est, wow, les anciennes, ouais, lois qui n'ont jamais été modifiées, c'est ce que je vous dis. C'est tellement romantique. Alors qu'on est, mais non, mais c'est nous, c'est ça, c'est nous. Et c'est, attends, nous, il y a un croissant également sur un quai de gare. Non, c'est pas vrai. Ne manger un croissant. Non, non, sans, interdit de s'embrasser sur un quai de gare. Non, mais en Allemagne, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un truc de. Donc, par rapport à la bagnole. Parce que t'as dit, c'est en roulant, mais c'est ce. Ouais, c'est difficile. Quand tu vas avoir la réponse, tu fais, ah, c'est vrai que c'est emmerdant pour Flo de répondre à ma question. Faire un tête à queue. Faire des tonneaux. Non, mais effectivement, c'est un truc qui te fait chier de base. Et c'est fou de rajouter une amende. Ah, donc c'est un truc relou qui. T'as pas le droit de crever. Alors t'es très proche. T'as, c'est, pas le droit de tomber, ah, en panne. Ah, très, ouais, bonne réponse, Adrien Méniel. Tu n'as, c'est, pas le droit d'avoir une panne d'essence. C'est fou de dire. Ah oui. Mais de, ah, toute façon, tu peux l'anticiper. Ouais, c'est, ah, exactement, ah, ce que dit l'allemand. Ça, c'est ce que dit l'allemand. C'est ce que dit l'allemand. L'allemand anticipe. L'allemand anticipe énormément. Vous n'avez pas le droit de tomber en panne d'essence car, selon la police, il est considéré comme un manque de. C'est considéré comme un manque de vigilance et la faute vous revient. En plus, il y a des pompistes, oui, qui arrivent là, donc, en courant. Ça peut arriver de tomber en panne sur l'autoroute. Ouais, mais tu, effectivement, que... tu anticipes quoi. Généralement, ouais, il y a quand même des pompes à essence avec des pompistes. Avec des pompistes, mais toutes les 40 bornes. Tu vois, c'est, non, moi, j'aime bien cette loi. Ouais, mais... J'aime bien cette loi. Anticipation, ouais. Non, non, non, c'est un peu dur parce que bon, tu peux imagine, genre, t'apprends une terrible nouvelle, t'as la tête ailleurs, oui, et tout, t'oublies, oui, de faire ton plein et on te dit, ah ouais, ta mère, enfin, est morte, ta voiture, 200 euros d'amende. En vrai, sur la voiture, t'as des trucs où tu vois. Ah, mais c'est trop tard une fois que t'as le. Ah non, le non, voyant. Non, on voit ouais, venir. Calmez-vous. Oui, mais il roule à 400, ta vie de toute la réserve. Moi, je vais vous dire, j'étais en vacances une fois en Sicile et on était. Déjà, bravo. Déjà, merci. J'ai bossé. Tu le mérites. Déjà, tu le mérites. Et l'essence descend. Oh là là, va falloir s'arrêter dans une station service. T'en retrouves pas. Station service fermée. Ah ouais, ça, pardon, joué, prochaine, oui, dans 60 bornes. Et il me restait que 60-50, ouais, km. Oh là là, le stress, c'est un film. Hein. Énorme stress. Bah oui, mais là, du coup, station fermée. J'ai voulu anticiper, j'ai voulu faire. T'as que... réussi ou pas? J'ai réussi. Mais oui. Bon, bah voilà. Donc. Parce que je suis sûr que, genre, la flèche qui il nous donne a une marge. Il donne, ouais, une marge, mais qu'il y a encore un peu. Juste aussi. Déconne pas, quoi. Fais, ouais, pas ça, quoi, en fait. Pousse pas le bouchon. La voiture te le dit. Déconne pas. 5000 personnes. Vous avez déjà eu, ouais, des trucs un peu en bagnole, un peu flippants comme ça? Non, ça va? Non, moi, je suis très stressé. Donc, du coup, j'anticipe à fond. Ah ouais. Genre, sur ce truc de. Tu vois, je suis même un peu relou, c'est-à-dire que je fais trop le plein. Tu vois, dès que ça baisse un peu la moitié, dès qu'il remplit la moitié, je suis en mode aïe aïe aïe aïe. Il remplit, ah, chérie, ça va pas là. Il remplit des bouteilles de cristalline et tout. Non, attends, on sait jamais. Par contre, j'ai un truc, je voulais en parler tout à l'heure quand on parlait des pompistes. J'aime bien. Alors, le seul truc qui me dérangerait dans le fait de ne plus faire le plein, c'est que j'aime bien l'odeur de l'essence. Mmh. Ah ouais. Ça, il y a un truc. Encore une ref au rap, le mec, il peut pas s'empêcher. Je l'ai. Morceau de qui? Morceau de qui? Dorelsan. Ah, pardon. Ah oui, oui. Ah, putain, pardon, j'avais pas vu. Mais t'adores ça. Mais voilà. Mais bien sûr. Non, non, mais j'aurais respecté que si j'avais su que la question s'adressait pas à moi. Non, mais ça s'adresse à tout le monde. Mais voilà, c'est le seul truc qui manquerait. Mais non, sinon, je suis assez stressé, moi, en, ouais, voiture là-dessus. Donc. Mais tu prends plaisir. Je précise, c'était du racisme anti-blanc que tu poses pas la question à moi. Mais t'es kabyle, enfin, de quoi tu parles. C'est vrai, tout le monde le sait. C'est vrai. Je me rends compte, ta replace est inappropriée. Oh, j'ai appris un truc hier. Qui d'autre était kabyle? Jacques Villeray. Oui, ah, je, oui, savais, oui, et c'est bien pas sûr son nom. Non, il s'appelle pas Jacques, il, tout à fait. Pas, il s'appelle. Je crois qu'il a un nom. Je regarde. Jackie Borbora. Berboyer. Ouais, non, voilà. Jackie Sardou. Mais ouais. Il s'appelle Jacques Ahmed Boufroura. Voilà, exactement. Et son deuxième prénom, c'est Ahmed, je crois. Tout à fait, exactement. J'ai découvert ça assez récemment aussi, il y a quelques mois. Né d'un père algérien d'origine kabyle. Et il a même une histoire, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais assez triste à ce, c'est qu'en fait, il a un peu caché ça, du coup, parce qu'à l'époque, c'était impossible pour lui d'imaginer faire ça. C'est arrivé à Cadmerade aussi. Cadmerade essayait de cacher aussi ce. C'est pas un film ça? Bah, il fait pas l'italien? Mais il en a fait un film! Ah, c'est vraiment. C'est genre, à la base, c'est son histoire, c'est ce qu'il racontait, bien sûr. Bien quel sûr, bien superbe sûr. Film! Alors, qu'est-ce nouvelle question? Non, Antoine, parce que toi, tu prends plaisir à conduire, pas quand même? Même le stress? Sur les lignes droites, oui. Oui. Pas de manœuvre, je vous en prie. Et là, on arrive au moment où je dis que je ne conduis pas. Ah, et t'aimes pas ça? J'ai fait la meuf qui parlait de grave de voiture tout à l'heure. Pas. Mais j'adore être en voiture, j'adore qu'on me conduise. Ah, okay. Mais t'as le permis? Non, même pas. Ah non, d'accord. Ok. Ok, juste mais ça t'intéresse pas? Si, si. Ah, t'aimerais bien. C'est pas le permis, c'est un délire. Ouais, ouais. Quoi, non, ouais. Mais j'y suis presque. Mais c'est ce que je disais, moi, j'en parlais dans le dernier podcast et tout. C'est juste, moi, je suis fin fond de la campagne. Oui, c'est une obligation. Oui, je pense que j'aurais une flemme dingue. Si tu as froid, rien, tu peux fermer la fenêtre là-bas. Mais je suis bien. Non, mais t'as mis un petit pull. Je juste avant. Après, le pull est superbe. Le pull est superbe. J'ai envie de le montrer. Regarde, regarde, comme ça me couvre le cou. Mais j'ai plus froid. Si vous avez froid autour de la table, vous me dites, je peux fermer la fenêtre. Parce que eux, vous êtes tous couverts. Moi, j'étais en t-shirt, donc c'est normal. Mais là, on est tous au même niveau, tout va bien. Continuons cette discussion peut-être pendant 10 minutes. Je suis allé discrètement mettre un pull et c'est devenu assez grand. Mais en vrai, mais ça venait vraiment gentil de ma part. Je sais. Vraiment, sais. Je voulais que tu te sois bien. J'ai pas besoin de ton aide. 5000 personnes ont été interrogées pour une enquête menée par Curie PC World. Je connaissais pas. Des personnes sondées ont répondu en moyenne que l'âge maximal est de 37 ans. Mais quelle est la question ? C'est ça que je vous pose. C'est un petit géopardi que je vous propose. Alors attends. Il y a eu un sondage sur 5000 personnes. Et les personnes, on leur a posé une question que je vous demande de trouver. Selon vous, quel est l'âge maximum pour Nanani? Et ils ont dit 37 ans. Et à votre avis, l'âge maximum pour quelque chose. Voilà. Okay. Arrêtez de faire des TikTok. Non, c'est pas ça. Pour perdre sa virginité. Non, c'est pas ça. Âge maximum. Selon eux, ouais, voilà, non, en moyenne, je, en moyenne, bien sûr. Ils se disent à partir de 37 ans. Donc recommencer le travail. Genre c'est la fin des études. Je peux pas. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'âge maximum pour. Est-ce que c'est un rapport avec la vie professionnelle? Pas vie professionnelle, mais tout à l'heure Adrien, tu disais TikTok, ouais, on est sur en un fait, truc c'était de faire des TikTok. Oh non, mais là la c'est blague. Pas cool, c'est pas assez. Oui, il faut arrêter de faire du skate. C'est vrai qu'il y a un peu un âge limite sur le skate parfois. Enfin, en tout cas, tu deviens un autre perso. Oui. C'est d'un coup. En fait, je trouve qu'à partir d'un certain âge, c'est pas juste un hobby, t'es devenu un skater. tu vois. À partir d'un certain âge, faut en faire très très très très bien. Ouais, c'est vrai. Faut être Tony Hawk. Sinon, ouais, c'est vrai. T'as plus le droit de tomber à République. vraiment, j'ai testé. Et effectivement, j'étais ridicule. J'ai voulu m'y mettre dans ma trentaine. Oui, je me souviens. Est-ce que c'est pas un peu vrai pour tout ça? Genre, tu sais, je sais pas, parce que, tu sais, quand t'as. Je sais pas, quand les petits, ils voient un mec de 40, 45 ans, ils imaginent qu'il est fort, tu vois. Genre, tu sais, tu vas jouer au basket avec des petits, t'es nul, tu vois, c'est forcément embarrassant, ou au foot, tu vois. Genre, pourquoi moi, t'as dit, oui, parce que t'as dit basket, on venait non, de parler de moi, je me suis dit, attends, pourquoi il a fait ce. Non, parce que je sais que t'es fort au basket. Parce que moi, en fait, moi, je joue au foot, et quand je joue avec des mecs plus jeunes et qui disent, ah, Mehdi, il sait jouer, etc. Je sens une pression en mode il faut que je sois meilleur que alors que pas du tout non. Tu vois je suis juste un joueur ok de foot c'est ça, mais j'ai l'impression que passé un certain temps il y a tu sais une exigence puis c'est des sports de donc performance tu vois j'ai l'impression tu peux pas juste être moyen. Non, moi au basket je joue avec des gens des plus jeunes qui sont trop forts et j'ai pas ce truc de surtout que c'est assez logique parce que s'ils sont plus jeunes ils ont plus de cardio fragile tu vois normalement c'est les meilleurs footeurs sont souvent plus jeunes peut-être on sait parce qu'on est des mecs on est un truc d'ego il y a un petit truc de toi t'es juste en avance. J'aime les femmes, c'est le mec horrible. Ouais, j'aime les femmes, voilà. J'adore ça, c'est tout. Herbert Léonard. Vous le voyez pas, mais Mehdi a un costard blanc. Toujours en permanence. En permanence. De voir avec un costard blanc. Il vient de tendre un bouquet de fleurs à Nifa. C'est incroyable. Non, c'est. Mais on est dans ces trucs-là, des trucs genre ah là c'est plus très cool. Voilà. Faire des... Mais ouais. C'est qu'un avis de sondage. Hein. C'est un truc d'internet un peu. Pas du tout internet. Ok. Non. Rappé. Non. De mettre des baskets genre des choses. Non. Oh non, là, mais je sais pas, je sais pas qui a été. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est 5000 cons qui ont été. La réponse peut un peu énerver hein, je préfère vous le dire hein, la réponse peut faire genre oh, attends, ça va. J'ai une question. Mais ceci dit mettre des baskets, je rejoins juste enfin moi j'ai racheté des pumps. Parce que j'adore les pumps. Ouais, bien sûr. Et. Non. Là, j'ai l'impression que. Non, mais les pumps, c'est nous, c'est notre génération. Les pumps, c'est un par. Ouais, c'est. Non, je me suis senti un peu. Stop, non. J'avais l'impression. Non, mais moi-même. Oui, mais. Le pire juge, c'est qui? Sors de ton carcan, en fait. C'est vrai, faut que j'en sorte. Ah non, c'est cool. En plus, je trouve que c'est un modèle cool parce que c'est un modèle de ton enfant. Donc, tu sais, genre. Il y a un truc. Moi, j'en avais pas. Voilà, de vivre. C'est vraiment un plaisir de. Bien sûr. Bon, ok, vous m'avez. Ça va, je suis bien. Ok. J'ai une question. Il n'y a pas vraiment de flot de cas, je voulais juste entendre ça. Est-ce que c'est quelque chose que je fais? Non, pas du tout. Ah ok. Alors. Et voilà, c'est vrai que c'est ridicule. Non, mais t'as dit ça peut énerver, donc ça aurait pu m'énerver ah parce oui, que justement, je le fais. Non, mais je pense c'est internet. Hein, déjà, je sais pas si ça t'énerve ou pas. Je pense que ça. C'est quoi je te connais pas tant en fait. Non, ah, t'es insaisissable. C'est ça. T'es Jesse Eisenberg, putain. Non, je. Est-ce que c'est par rapport aux cheveux, genre teinture, des trucs comme ça? Bon, là, les transitions à chaque fois, mais. Ah ouais, quand t'es nul au basket, on vient de parler de moi, là on parle de moi. C'est les cheveux ou pas? Bon, allez. J'ai un ami récemment qui a fait ça. J'ai un ami récemment qui a fait ça, qu'à mon âge. Et je me suis dit, ah, je sais pas, tu vois. Alors, il a fait quoi? Il a fait quoi? De quel genre de teinture? Blonde, tu vois. Et en fait. Genre blonde, on part à Barcelone. Ouais, genre exactement, tu vois. Ouais, on va à Salou. Genre on va à Salou, tu vois. Et il a mon âge, tu vois. Donc et après on voit ça lui va plutôt bien, mais je me suis dit quand il a fait, je me suis dit ouais, est-ce qu'il est en dépression ou pas, tu vois. Genre pourquoi il fait ça, tu vois. Donc c'est voilà, horrible donc, que le gars vient avec ça, je fais ça va. C'est vraiment ça fait t'as 37 ans en fait. Bref. C'est pas ça par hasard. Non, c'est pas ça, ouais, c'est pas ça. Ça aurait été fou, c'est pas ça. Ça aurait été une très bonne réponse. On est autour. Ah non, mais je veux. Non, je vais pas trop vous aider. Je vous aide beaucoup. Est-ce que c'est sur l'apparence? Ouais. C'est pas sur l'apparence. C'est une. Est-ce que c'est une pratique sociale? Oui, tout à fait. Pour être en colocation? Non. Ah oh, putain, très bon. Croyez, merde. Régal. Incroyable. Sachant que 25 ans, moi, pour moi, l'âge limite de la colocation. Vraiment, après, j'en peux plus. Ouais. Ouais. Je suis allé un peu plus loin que ça. Ah ouais? Ouais, 30, je crois. Mais de combien de colocs? On était deux à chaque fois. Ah oui, non, mais voilà. Ah oui, non, ça non, c'est pas la même. Moi, je parlais du groupe. Je parlais de... Oui, oui, non, ouais. Enfin, j'aurais eu du mal. L'auberge, ouais, c'est dur. Ouais, ouais, voilà. L'auberge espagnole. C'est ouais. Dur. Ouais, l'auberge. Ouais, ouais. T'as testé, toi? Ah non, mais c'était horrible. Ah, mais genre, même avant 25 ans, en fait, j'ai testé en me disant, mais oui, mais c'est un truc de jeune. Ouais, c'est génial. Genre, j'avais 20 ans, tu vois, et j'étais en mode, ah non, c'est pas pour moi. Ah ouais, t'as fait ça où? À Lyon. D'accord. En plus. À Lyon. Et genre. Oui. En plus, ouais, de ouf. Et non, en fait. Trop de gens. Ouais, c'est trop ça. Trop d'inquiétudes, trop de préoccupations, trop d'hygiène bizarre. Ouais, c'est ça en vrai le truc. Trop d'inquiétudes déjà de ma propre personne et puis celle des autres. Non, et tout ça se mélange. Et ouais, tout ça ouais. Se mélange donc non. Mais là, la coloc à deux, c'est le couple presque. Ouais, c'est ouais, ça. C'est, vrai, c'est non, déjà c'est la. Ouais, ouais. C'est l'antichambre. C'est l'antichambre de la vie de couple qui va venir après. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais non, ce n'est malheureusement pas la coloc. C'est social. Allez en boîte. Très bonne réponse. Mais oui, c'est oui. 37 pour... ouais. Oh, c'est beaucoup. Moi, c'est beaucoup. Genre, c'est tard ou c'est jeune? Ah, c'est tard. Hein. Ah, ouais. Ah ouais. Toi, tu aurais dit un bon 22. Non, ouais. Presque, mais non. Non, j'aurais dit 30-31, je pense. Ça dépend parce qu'après, il y a boîte. Il y a des différentes. Tu sais, si tu dis. Moi, je parle de nos boîtes à nous. Hein. Oui. Je parle ici, France, là, moi, 30-31. Je pense qu'après. Si c'est on des est... mouse parties, par exemple, ça peut être un petit peu. Okay. Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça jusqu'à 37 ans, j'ai honte. C'est donc, pas pareil. Excusez-moi de défendre. C'est pas pareil. Évidemment, pas pareil. Tu hostais, c'est pas pareil. Ouais, ouais, mais bon. Un non, tiers des personnes. Mais moi, la première fois que je suis allé en boîte, j'avais 16-17 ans et je me suis dit, c'est... non, c'est trop tard. Non, mais je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas aimé la. Et en plus, ça pue... à notre époque, parce que nous sommes vieux, ça puait la clope. Moi, ouais. J'ai ce souvenir de ça, j'arrivais pas à voir. Et tout. Ouais. J'avais mal aux yeux, c'était ouais. Horrible. Tu vois. Non, la perception de ce que j'ai des boîtes, c'était vraiment on est là et on s'assoit, et trucs, les tables, les boissons, oui. Et puis ensuite ça danse, et puis ensuite trucs. Les gens se battent. Voilà, les gens se battent, ça dégénère, etc. Non, les mouse parties, c'est une réunion. Non, puis en plus, c'est vraiment puriste, une communion autour de la d'amour, musique. D'amour, de passionnés, ouais. Et on est ensemble, tu mais vois. Mais je pense que moi, je pourrais et encore aller en boîte pas. Pour la musique. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, alors en vrai, je le fais pas. Mais on entend rien. Un concert. Non, mais s'il y a un DJ qui mixe, que je kiffe et je sais que la musique va être bonne, je peux y aller. Et je peux danser un peu, tu ouais. Vois, sous l'emprise de l'alcool. Je ouais. Peux, en fait, je le fais pas parce que, genre, j'ai plus le temps, j'ai un enfant en bas âge, donc je suis trop fatigué. Mais ça pourrait me chauffer, tu vois, en vrai. Et à 37 ans, je pourrais. En plus, j'ai vraiment l'âge limite, tu vois. Genre, 37 ans, tu vois, je serais pas fatalement contre, tu vois. S'il y a un, genre, il y a Just Blaze qui vient mixer. Je l'ai fait, c'était à Nancy dans une boîte qui s'appelait L'Envers. Et c'est pas bien. L'Envers, j'ai fait une mouse party là-bas, je crois. Allez. Et c'était bien. Voilà, et c'était bien. Non, ça c'était bien. Mais moi en fait, c'est. J'aime bien danser. Enfin, genre de la musique ouais, que j'aime bien, ça peut être cool. Mais il y a quand même tout le avant. Oui, tout le. Oui, tout oui. Le on parle très fort autour d'une c'est table vrai, pour s'entendre. Vrai. Et ça, c'est vraiment désagréable. Et en même temps, il y a besoin de ça. Parce que je me verrais pas arriver et danser direct. Et du coup, je trouve qu'il y a une espèce de pression de. Va falloir que je m'amuse dans ouais, les trois moment, prochaines heures. À un moment, il faut que ça, ouais, c'est vrai. Et du coup, je m'amuse pas. Tu vois, une espèce de ouais, blocage ouais. Mental. Ah, moi, j'aime danser, mais il y a souvent trop de monde et tu peux pas vraiment danser. Ouais, oui. Moi, j'aime parce que toi, tu danses bien. Attention. Moi, je danse mal. Donc, en fait, je peux juste être devant le DJ et faire ça. Tu vois, donc c'est la différence. Mais ouais. Moi, c'est vrai que je suis plus team concert. J'ai l'impression que c'est plutôt ça trucs de communion autour de la musique. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je suis allé encore en concert. Ça, moi, j'étais bien et je danse et je bouse et je gueule et on parle un peu avant que le concert commence. Après, ouais, ça, j'aime bien l'emploi du temps du concert. Ouais, ouais, alors que l'emploi du temps de la boîte de nuit. Ça finit pas tard. Il y a rarement des bastons. Enfin, ouais, tu vois, on est quand même dans un truc. T'es allé voir quoi? Je suis allé voir Queens of the Stone Age. Dis-toi. Tu t'es régalé? Je me suis assez régalé. Très bonne setlist, très bonne ambiance. Ce que je disais par texto à Adrien, je pense que si tout le public se décalotait en même temps, une odeur de soufre atroce serait arrivée. Parce que vraiment, on n'était pas sur une hygiène dingue, mais vraiment, super concert. Superbe concert. Vraiment, très très bon concert. Donc, oui, pour répondre à l'âge limite pour aller en boîte, un tiers des personnes interrogées ont affirmé qu'il n'y a rien de plus tragique. Le mot est un ouais, peu dur. Ouais, c'est dur. Non, mais alors, attends, qui c'est quoi? ça, par contre, c'est voilà. Slate ou c'est Vice? En fait, eux, ils disent que c'est le fait de danser, de voir des gens de 40 ans entourés par des jeunes femmes et des jeunes oui, hommes oui, de oui. 20 ans. Oui, d'accord. Un tiers oui. Des personnes interrogées ont affirmé qu'il y a. Voilà. Bon, en fait, j'ai copié-collé deux fois le doc. Mais ça je l'entends un peu, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu, alors, à la limite, en vrai si les gens sont là, enfin ils font ce qu'ils veulent, mais oui. Il peut y avoir un côté un peu embarrassant quand t'es avec des gens qui ont 20 ans de moins, tu peux te sentir, moi c'est un truc que j'ai ressenti aussi même dans les mouse parties, où, ouais. Même si les gens c'était pas vraiment des boîtes et tout, mais je sentais une différence générationnelle assez forte avec des gens qui ont 15 ans de moins que toi, ouais. Parfois tu dis bon, est-ce que ma place est vraiment là, ouais. Genre est-ce que oui. Je suis pas censé genre juste regarder une mauvaise comédie sur Netflix comme tout le monde, tu vois. Oui, un petit Kevin Hart. Voilà. Ou un Mark Wahlberg. On l'adore, on l'adore. Very Mad Parents 4. C'est peut-être ça ma vie maintenant. Et pourquoi, qu'est-ce que j'essaie de chercher en fait là, tu vois. Et je me mettais à chialer devant les gens. Et je mais ceci dit, les mouse parties, ce que j'entends, moi j'aurais très envie de. Parce que tu choisis la playlist. Ça c'est assez kiffant quand même. Ça, c'est le, ça vient de là. C'était ça le plaisir. Complètement. C'était vraiment la volonté. Genre, exactement ça. J'allais dans des soirées, soirée rap cool, mais en fait où c'était pas forcément une les sons que je voulais entendre, et puis les gens étaient archi sapés et les gens étaient trop beaux, et je voulais faire une soirée pour les gens comme moi, gens ok, tu vois, les gens middle, tu vois, qui avaient envie d'écouter du rap français, donc c'était complètement ça, et ça c'est vraiment un bonheur et en étant de l'autre côté donc où t'as de la place, t'ambiances les gens, c'était magnifique, tu vois, c'est donc, très kiffant, sachant que là récemment c'était la dernière ou pas, ouais, on a fait DJ Premier, c'est incroyable, ça s'est bien passé, c'était trop bien, on peut rappeler quand même peut-être pour les gens qui savent pas qui est DJ Premier. Oui, c'est un producteur mythique du rap américain, et un peu le producteur peut-être phare quand on parle de rap new-yorkais, j'ai l'impression que c'est un peu lui le nom qui revient le plus rapidement, je dis pas que c'est le meilleur, ça c'est, mais voilà, mais c'est un peu légendaire, le blast, c'est ça, quoi, c'est une institution. Bon après on s'est dit ouais il va venir et tout, on va passer du temps avec lui, absolument pas, il est arrivé une demi-heure avant son set, il est resté avec ses gars, il a joué, il a fait le taf et il est reparti, voilà, je n'ai pas échangé avec DJ Premier. Ah non, oui d'accord, non. Je pensais qu'il y avait quand même eu un mieux. Absolument pas. Une petite photo Insta, il y a pas une poignée de main, il y a pas une photo Insta, il y a un moment du coup je lui dis bon c'est pas grave, on va quand même s'enlancer parce que on est de l'autre côté, donc on va être sur la scène avec DJ Premier, on était juste 2-3, moi Nemo et Yerim je pense, et un moment nous a dit il faut partir en fait. C'était notre soirée, on s'est fait dégager de la scène. Voilà. Il n'y a eu aucune complicité avec DJ Premier, de près ou de loin. C'est une des histoires les plus tristes. Non mais moi je tiens à dire, en consommatrice, c'était un incroyable moment dès qu'il a commencé son set. C'est bon, j'étais à New York. Hein. C'était incroyable. Vraiment. Incroyable. Et les Ardentes aussi, t'as fait. Ouais, deux fois. Alors, c'est quoi le mieux? C'est genre petite salle avec gens très chauds ou quand même là? Parce qu'il y avait combien? Il y avait. Ardentes, la première fois, c'était une capacité de 10 000. Je sais pas s'il y avait 10 000, il y avait 8 000, un truc comme ça. Franchement, les deux. Moi, en vrai, je préfère les petites salles. Les petites salles, comme au Badaboum à Paris, c'est 400, je crois. Ça, c'est vraiment cool parce que tu vois tout le monde. Mais les Ardentes, il y a un côté un peu très grisant, quoi, d'être là devant autant de gens et c'est complètement fou. Et en même temps, c'est là où tu te sens le plus imposteur. Ouais. Parce que tu dis, je ne suis pas artiste, je ne suis même pas DJ. C'est-à-dire que moi, je suis même pas DJ. Et t'es là, t'as des gens qui. C'est très bizarre. Un enthousiasteur. Mais il m'a fallu un peu de temps pour accepter ce rôle-là et me dire, bon, au final, ça va, je peux le faire, tu vois. Parce que quand tu te retrouves sur des scènes comme ça, il y a vraiment un moment où tu dis, mais. Enfin, c'est embarrassant. Genre, pourquoi je suis là? Mais moi, c'est stressant. J'aurais trop peur. Toi, t'es un truc qui pourrait t'amuser, toi? Non. Ah ouais? Moi, vu que je projette toujours mes angoisses, je projetais mes angoisses sur mes icônes. Je dis, mais attends, mais il y a du monde, mais tout ça. Mais c'était cool. C'était cool à voir parce que j'avais plus l'impression que. Il faisait la fête avec plein de gens qui nous suivent depuis longtemps, qui ont un peu les mêmes tastes que nous. Donc, en fait, de le voir faire, ça me paraissait naturel. Mais au début, j'étais un peu en mode, mais attends, mais il y a tous ces gens-là. J'aurais trop peur que ça s'ambiance pas. Mais après, quand vous faites la tournée Floodcast, vous êtes. Alors, c'est pas la même chose, mais vous êtes aussi devant énormément de monde. Ouais, mais il y a. C'est quoi les plus grosses capas que vous avez? Vous avez fait des grosses salles? On a fait l'Olympia, donc ça doit être 3000. 3000 l'Olympia? C'était 3000, je sais plus. Franchement, c'était 3000 debout. J'exagère. C'est assis. Je crois que c'est 2000, non? C'est pas ça? Ouais, peut-être. Ah si, t'as raison. Je sais plus. On regarde pas les. Nous, on n'est pas très chiffres. Hein, donc vraiment. Ça fait quand même du monde, ça que je veux dire. Au-dessus de 500, c'est pareil pour moi. Plus la diff. Hein. Mais il y a un peu un truc de. En fait, nous, on a vendu les places très vite. Donc en fait, on se disait, ok, il y a des gens chauds. Non, c'est pas pour dire nous, ça a été un succès monumental. Où est-ce qu'il va avec ça, quoi? Non, tu sais que c'est des gens chauds. Très vite, mais quel rapport? Tu sais que les gens qui vont venir, ils vont être contents de te voir. Je trouve que dans un festival comme les Ardentes, t'as évidemment ton public et les gens qui suivent. Les minoritaires, c'est tellement grand. Et puis voilà, mais après le stress de faire une mauvaise émission, oui, à fond. Nous on était très stressés, et même dans le choix des invités, non, Adrien était pas. Adrien était dans ses chaussons. Dans quel festival, on parle de festival, festival a-t-on pu entendre les concerts du groupe pop Open, le groupe de reggae des Getters, le rappeur Gab ou encore DJ Padre? Festival insolite. Alors, c'est pas des gens connus que je vous donne. Ok, d'accord. Ils ont tous un point commun. En tout cas, ils ont joué dans un festival de musique. Oui. À thème. D'accord. Voilà. À thème. Open. Mais comme à thème, comme le Hellfest et le Metal. À thème Ben Arfa. football. Voilà. Je connais bien. Ouais. T'adores ça. Moi, c'est un de mes trucs préférés au monde. Barthez. Tout ça quoi. Ouais. La clique. Bah, tout ça, tout les clique. La clique du foot. Du foot. 15 de France. J'adore le fait que t'aies dit Barthez en premier. C'est tellement aléatoire, c'est génial. Alors attends, il faut trouver le thème du festival. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Mais donc tous ces gens, tous ces groupes là. Bah, tu sais, c'est des gens très différents, c'est ce que je voulais dire. Des sosies. Pas des sosies. Gab, il rappe. Gab, il rappe. Hopen, ils font de la pop. Pop rock, les Guetteurs font du reggae et DJ Padre, on est dans l'électro. Mais est-ce qu'ils ont tous une particularité? Comment? Bah oui, d'une certaine manière, oui, oui, oui. Et donc ils ont comme point commun le thème de ce truc ou c'est pas? C'est ça, exactement. Okay. Enfin, ouais, je connais pas assez chaque vieux, truc. C'est des vieux de c'est ouf. Pas des vieux. C'est non, je sais pas. Mais non, en tout cas, les noms sont des gros, enfants. Ouais. C'est pas des enfants. C'est humainement, ils ont une particularité, ces gens? Qu'entends-tu par humainement? Ce sont des amateurs. Vieux, jeunes. Ah, non, non, c'est pas vraiment ça. C'est un festival avec peut-être que des gens qui sont pas musiciens, mais qui. Oh, c'est joli ça. Non, mais c'est pas ça. Ou alors, c'est des gens connus, justement. Mm. C'est des ouais. groupes de. Je sais pas. Des célébrités qui se font qui ont des alias. C'est le groupe de reggae de Frédéric Diffental, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, non, c'est pas ça, malheureusement. Ok. Ce serait trop bizarre un festival comme ça, serait humiliant en plus. Et vous savez c'est qui DJ Padre? Samuel Le Bihan. Tu le détestes. Parce que y a eu un moment dans la pop culture française où c'était genre la star. C'est ouf. Tu te rappelles 3-0, le pack des loups, Jet Set. Il pour moi dedans, c'était le nouveau genre à l'envin. Il y avait mais ce côté un peu oui, un peu bourrin, mais sympa, beau, ouais. sympa. Mais sympa, adorable. Ouais, ouais, ouais. Mais plus sympa genre à l'envin, vous voyez en bourrin. Ah bah ouais. Gars du terroir un peu. Et puis tu vois pas toutes ces ouais, c'est mais le boomer de l'espace. Pour moi, il serre la main, il y a des cornes à ce niveau-là. Les mains sont rêches. Ouais, c'est ça. tu me dis, il a pas fait justement en fait, il a travaillé la terre. Je fais oui bien sûr, il a évidemment travaillé la terre. C'est Gérard. Ah, je sais pas, pour moi, il a plus un resto, mais. Oui, moi, c'est ouais, plus ce que tu veux dire. Un resto, il fait bah attends, je te trouve une table. Oui, tu rigoles. Voilà. Il s'est suivi les mains avec un torchon, il fait bah attends, tu rigoles. Ça, c'est parce que t'as en tête Renaud. Parce que c'est Renaud qui avait fait toute une chanson sur Gérard Lanvin. Gérard Lambert. Ah non, mais moi je parle de. Quoi, c'est de Le Bihan, moi. Ah, je oui, parle de Le Bihan. La chanson, tout ce qui est Gérard Lambert de Renaud, il parle de Gérard Lanvin. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Quoi? Mais attendez. Je suis jeune ou pas? Je vous parle de Renaud et Gérard Lanvin. Invitez-moi dans le code. Non, ouais, tout ce qui est Gérard Lambert, il parle de Gérard Lanvin, bien sûr, avec sa mobilette, etc. Non, ça vient le bien, je le vois en mécano, moi. Il peut faire ça. Tout ça. Il a un côté bon gars, quand même. Comme quoi, on a chacun sa vision de Samuel Le Bihan. On a tous notre Samuel Le Bihan, hein, bien sûr. C'est le multiverse pour moi. Simplement. SLB le d'ailleurs, on l'appelle SLB dans le milieu du rap, Samuel Le Bihan. Donc, non, c'est un festival. Mais vos idées sont mieux, hein, je préfère vous le dire. Hein. Vous avez des idées bien meilleures que la réponse. Animaux. Pas des animaux. Est-ce que c'est le thème de leur chanson? Dire. Oui. C'est le thème de chanson? D'une certaine manière, oui. La Paillard. Nourriture. Comment? Paillard. Papaya. Comment s'appelle le festival? Ah, je peux pas te dire. Ah, tu l'as. Ah, je crois mais que tu l'avais non, dit, pardon. Je peux pas te dire. Non, je t'ai dit le nom de tous ceux qui jouent, mais je peux pas te dire. Mais le les nom. Noms sont pas liés au thème. Non, ah, de... d'une certaine manière. Allez, je. Ouais, c'est... Ça parle de nourriture. Ça parle pas de nourriture. D'animaux. Gab, ça vous donne pas, mais DJ Padre, ouais, le groupe Open. C'est des papas. C'est pas des papas. C'est des papas. C'est des papas. En DJ Padre. Ah, c'est des curés, c'est des prêtres. C'est ça, c'est un festival de musique chrétienne. Ah eh oui, c'est un projet DJ que nous Padre, avons en tête. Oh non. Alors attention, prépare-toi pour DJ open, Padre. Mais attends, open, Gab. Open, je vois pas. Open, c'est genre l'espoir, tu vois. Donc c'est un truc très sur. Ah, d'accord. Voilà, il va Gab, revenir. Gab, je connais pas. Malange Gabriel. Ah, bah oui, peut-être. Ça doit être ça. Doit être ça. Bien sûr, c'est très bien vu. Oh, j'ai écrit la question, j'avais pas compris. Oh non, pas là-bas. Ça m'a mis le cafard. C'est un projet que nous avons fait depuis plusieurs années. Mon mari et moi sommes très investis dans la vie de l'église et on voulait montrer que on peut faire un festival de musique chrétienne qui n'est pas réservé qu'aux personnes âgées. Il y a du rock, du reggae, du rap, de l'électro. C'est et populaire ou pas? Pas du tout. C'est non, mais... Ah dommage. Parce que j'ai vu un truc passer sur KTO. Enfin, après, ouais, après c'est très populaire hein, les événements. Enfin, c'est comme les JMJ. Ça avait l'air d'être un concert trop bien. Bah écoute, moi je trouve l'ambition sympa. Après je sais pas ce que ça donne. Je n'y suis pas allé, c'est en Seine-et-Marne. Mais ah oui, c'est là. Ouais, c'est pas très loin. Ouais. Mais DJ Padre, j'aimerais vous parler de DJ Padre. Je vais vous voici faire... le rappeur Gab. Ah, Ah c'est vrai, oui. Et je vais vous faire écouter, je vais vous faire écouter quand même ce que fait DJ Padre. Mais attends, c'est pas lui. Ah ok. C'est Sébastien. Non non, je vais vous faire écouter DJ Padre. Alors le son est un peu pourri parce que j'ai pas trouvé de voilà, c'est un gars qui a filmé ça en show. On est passé beaucoup trop vite sur le fait qu'il y a un groupe de reggae chrétien qui existe. Il s'appelle les Gaiters. Les Gaiters. Non, DJ Padre, ça donne ça. Mais attends, il est il produit ou... Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai pas compris. A, c'est Jésus, notre Sauveur. Oh putain. Ah ouais. C'est pas bon. C'est pire que ce que je pensais. Bon, c'est toi, Adrien, faut le dire, c'est toi, DJ Padre. Ah oui, si c'est ça, son niveau de production, je peux le faire. Non, il met Gangnam Style aussi, des fois, enfin, il y a une ambiance. Non, attends, c'est une blague. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. C'est un DJ set, quoi. C'est un DJ set d'un QN. Non, mais l'histoire c'est est Gangnam Style, c'est non, mais l'histoire est un peu jolie. C'est un mec qui faisait vraiment de la night, de la teuf, et il a sombré dans l'alcool et la drogue. Et il a été voilà, sauvé par Jésus. Il a été sauvé par Jésus, d'une certaine manière. Jésus, notre sauveur. Si vous deviez organiser un festival de musique. Ah, une petite question comme ça. Vous feriez, vous inviteriez qui? Quel voilà. style de musique ce serait? Non, non, non, mais voilà, quels seraient les invités dans le line-up voilà. Il faudrait demande que quelques beaucoup, noms. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ouais. parce que je voudrais. Ah, mais imaginez, thune illimitée. Ah, okay. Et aucun besoin de faire du profit. Tout illimité gagné... même, à la limite. Tout illimité. Vous avez, voilà, je vous finance à hauteur de 6 milliards. Donc c'est ah, vous ouais. dire. Donc ah, vous c'est pas aller. Mal. Hein. Par contre, il faut qu'il soit vivant. C'est ouais, la seule ouais, petite ouais, que oui. je vous donne. Il faut qu'il soit même voilà. Bon, on va dire le même, je pense déjà. Oui, oui, Jay-Z évidemment. Ouais, déjà, Jay-Z vient. On a envie ils d'avoir. Ils connaissent Jay-Z. Par cœur, c'est de là. Ouais, ouais. Bon, c'est pas d'ailleurs, en parlant de... original. C'est en parlant de Parker, peut-être Tony Parker. Je sais pas. Mais Jay-Z. Ouais, moi, j'ai pensé à Parker Lewis tout de suite. N'existe pas en fait. Donc ça marche pas. Ouais, Jay-Z. Mais Jay-Z. Ouais, en fait, j'aimerais que des un peu headliner en fait. Ce serait genre un festival avec que des gens, genre que des gros blazes. Ouais. Ouais. Tu vois, un Jay-Z. Ouais, des gens rares, genre Frank Ocean, tu vois. Okay. Si vraiment tu nous donnes 6 milliards. Bah, 6 milliards. André 3000. Ouais. Ouais. Il tourne encore André 3000. Ouais, non, non, je crois pas, hein. Non, non, mais ils avaient fait une reformation d'Outcast à un moment, il y a ah quelques ouais années, je crois, pour une date, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein, je crois. Mais par ah contre, oui, voilà. Ils avaient même pas tourné en fait. Non, non, avaient, non, pas ouais. du tout. Ouais, bah ouais, après, si tu veux vraiment, elle est très rare, elle est très relou, elle est toujours en retard, mais Lauryn Hill, tu vois. Quand ouais. même. Ah oui, non, non, ah bah non, ah non, non, veto. Ah, ouais, pas, on, si fait on pas le même, on fait pas mais le même. Mais si, on co-organise. Oui, t'as été vexé, par Lauryn Hill. Genre, t'y es allé, elle est pas venue. En fait, ouais. Ça, c'est qu'elle arrive, elle fait 30 minutes de show. Enfin, ouais. c'est très dur. Non, mais attends, on a 6 milliards, gros. Non, moi, mais c'est trop important. Tu sais, en fait, non, parce que là, hier, j'étais en train prenez de. Prenez Wyclef. On fêtait les 30 ans du premier album de Wu-Tang et du troisième album de Tribe Called Quest, Midnight Murders et Enter the 36 Chambers. Donc, je regardais ce qu'ils sont tous les deux dans le classement Rolling Stone des 500 meilleurs albums de tous les temps. Pas mal, bien sûr. Donc, j'ai regardé le top, tu vois, de ces. Qui sont les meilleurs albums. Et le premier album rap, Assimilé des rap, il est à la 10ème position et c'est Lauryn Hill. Mais bien sûr, ah, ça, non, mais évidemment, c'est pas à remettre en question, Mehdi. Non, mais c'est qu'en fait, tu vois. C'est l'humain, c'est encore une importance dans ce monde. Bah non, évidemment. Non. Bah alors, c'est pour un festoche. Ah, non, toi, tu te fous, toi. Moi, je veux juste faire de l'argent. Il me fait marrer celui-là. T'as 6 milliards déjà, ça va. C'est vrai qu'on peut les gaspiller pour qu'elles ne viennent pas. Ouais. Et qui est l'album numéro 1, à votre avis? Peut-être vous le savez. Des Rolling Stones? Non, non, ouais, du Rolling Stones. Enfin, du groupe, enfin, du magazine Rolling Stone. Est-ce que c'est Led Zeppelin? Non. Et ouais. c'est pas Thriller de Michael Jackson. Okay. Oui, ça arrive en 11ème position ou 12ème, je crois. Ouais. Ouais. Les Beatles? Non, mais les Beatles en ont deux dans le top 10, je crois. Stevie Wonder? Il est très bien placé, Songs in the Key of Life, mais c'est pas. C'est américain, j'imagine. C'est complètement américain. Oh, bah oui. C'est alors, Beatles, franchement, ça aurait pu être les Beatles, tu vois. C'est archi classique, mais j'ai pas. Alors bon, c'est dans le top 10 de tout le monde, mais j'irais pas penser à celui-ci en numéro 1. Ah. Moi, je pense j'aurais mis Thriller bêtement, tu vois. J'aurais pensé ouais, à Thriller ouais, aussi. Est-ce que c'est un Michael? Parce que t'as dit Thriller. C'est pas un Michael. Okay. Thriller, c'est le premier qui arrive. Avec 80 juste comme ça, Off the Wall. C'est, et... Je crois que c'est fin 70 ou début 80. J'ai pas la date exacte. C'est un groupe? C'est un artiste solo. Oh, Raphaël? C'est pas Raphaël, mais il est 15ème. Avec la caravane, bien sûr. Juste derrière Damien 16. Qui fait Bercy, parce que j'étais à Queens of the Stone Age. Ah ouais, et tu sais, il y a attends, les pubs. Un... Non. Il fait Bercy, Damien 16. Putain, c'est fou. Non, mais c'est incroyable. France, tout le monde fait Bercy. Oui, ouais. j'allais le dire. Est-ce que le Flodgast pourrait faire Bercy? Peut-être. Non, Bercy, c'est beaucoup. Je suis pas sûr que est-ce vous que c'est en ayez un peu... pour votre argent. Est-ce que c'est un peu old school? Oui, c'est pas. 70-80. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. C'est suffisamment old school pour être classique. Mais c'est une légende, hein. Que tout le monde a écouté. Décédé. Décédé, absolument. Décédé. Absolument. Ah, j'aime ce jeu. C'est cool de participer à ces jeux. Bah oui, c'est toujours le mec qui pose des questions. En fait, c'est trop bien de deviner. Ouais, j'aurais, je serais parti peut-être sur Led Zepp. Alors c'est de la, vous donnez un indice, c'est de la soul. Ah, okay. Ah, Marvin, non, Marvin Gaye. Eh, Adrien est imbattable à tout. Et c'est avec l'album What's Going On. Voilà, ah, qui est évidemment un grand album, mais tu vois, j'aurais pas pensé en premier. Voilà. Ouais, ouais. Mais, je suis toujours un peu fasciné par ces tops. Et tu trouves qu'ils excitent autant qu'ils énervent. Et, absolument. Et du coup, t'as envie un peu de réécouter de la musique. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'adore les tops, mais en même temps, ça m'énerve tout le temps. Tu vois. Et en numéro 3, c'est une artiste que moi j'ai jamais écouté, c'est Joni Mitchell, tu vois. Ah, oui. Avec l'album Blue que je connais de nom, mais que j'ai jamais écouté. Ah, je connais pas du tout. Et bon, après, c'est très américain, c'est country, voilà. Bah, celle, oui, bref. Ouais. Ouais, moi, je connais pas, franchement. Mais du coup, je me suis dit, faut peut-être que j'écoute un album quand même. Mais voilà. C'est joli, joli. Non. Toi, Adrien, il y aurait qui dans ton festival? Oh non, mais on... bon. J'ai la flemme. Non, oh là là, c'est horrible. Il veut pas venir, les gars. Non, mais je sais pas, j'en sais rien. En vrai, je sais pas. Ah, ok. Je sais pas. Rof, t'adores Rof, je le sais. Ouais, oui, allez, ouais. Non, mais tu cites pas. Il y a pas Alpha One dans ton. Parce que tu disais alors, un truc. Dans, non, dans attends. Quoi, quoi, c'était rigolo, tu disais que des gros noms. Moi, je sais pas si je mettais, si je devais faire mon festival vraiment. Ouais, tu mettrais des. Je pense pas que je mettrais que des. Il y aurait des énormes noms, mais c'est le moment de mettre des petits groupes aussi que j'aime bien. Bah, ouais, parce qu'elle a peut-être envie de se faire plaisir aussi, parce qu'elle est vue les autres, tu vois. Ouais. En fait, elle est aussi en tant que. 6 milliards. Ouais. On envoie la pure. On envoie la pure aux gens. Donc c'est du Drake, c'est du Beyoncé, c'est du Jay-Z. Moi, je mets Yvick parce que je l'adore. Et qu'il a pas fait sa tournée. C'est vrai, ça reste le truc qu'il a toujours alors pas Christophe, fait. Non, Christophe Willem. Kinvey aussi, il a pas fait sa tournée. Ouais. Allez, j'ai 6 milliards. Donc en fait, tout ce qui jette de l'argent par les fenêtres. Quoi, il y a plusieurs scènes, c'est bon. C'est le V Festival, Kinvey, Mister V, ça va, Calmos. Ok, Hervé, Villard. T'aurais pu rester sur Hervé, mais t'es quand même parti. Ouais, il allait chercher Villard. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de gros festivals hip-hop en France quand même. Bon, il y a les Ardentes maintenant. Mais c'est à Liège. C'est à Liège, tout à fait. C'est ça, c'est pas, pas loin, mais ah, c'est vrai que c'est eux les numéros 1, là. Ouais, bah, clairement, maintenant c'est devenu gigantesque. Quoi. Ouais, ouais. Bah, après, maintenant t'as plein de festivals qui sont en train de se rapifier, si je peux dire. Genre We Love Green, quand même, maintenant t'as bien beaucoup sûr de rap, etc. Ouais. Mais t'as pas un festival rap référence comme le Hellfest, par exemple. Bah, tu vois, tu n'as pas ça. Ouais, c'est ça. Même comme Rock en scène, en vrai, tu peux avoir des jolis noms des fois qui se mélangent un peu. Mais PNL avait joué là-bas. Ouais, c'est ça. Rock en scène, ouais. Ouais, c'est ça. Alors c'est de vivre ensemble finalement. C'est vrai, on en parle pas mais assez. Ça me va en vrai. Enfin, est-ce qu'on a, est-ce que vous auriez envie sur, ouais. Je cracherais pas sur un festival 100% rap. Il devait exister Yardland. Il y avait Yardland en fait. Oui, il devait exister cet été, qui n'a pas pu parce que compliqué. C'était après au moment du meurtre de Naël, etc. Ouais, donc, il y avait beaucoup de risques. Enfin, il y avait des émeutes. Ouais. Donc il a été annulé. Je sais, je pense qu'il sera reconduit l'été prochain. Je pense. Ouais. Mais ouais, là, pour le coup, ça devait arriver. Tu vois, c'est vraiment un premier festival orienté rap en fait. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc il y en aura un, sans doute. Je pense. Il y aura une édition. Oui. Je pense. Mais ta question est intéressante. T'aurais pas spécialement. Bah en fait, c'est pas grave qu'il y en ait pas. Je le vis pas en mode. Après là, même si Yard en vrai, on le vit tous comme un truc. Ah, c'est bien, on est en mode support de ouf sur eux, en mode c'est cool. C'était relou que ça s'est pas pu se faire l'année dernière, mais j'aime bien l'idée que dans le festival, je puisse moi-même, j'aimerais même qu'on tire le truc encore plus fort et qu'il y ait du rap genre alpha et qu'on ait. Je sais pas moi. Mano. Non, d'autres genres, tu veux dire. Non, mais genre Juliette Armanet. Ouais, tu vois, genre. Ah, parce que c'est. Ah, moi, je pensais qu'il y avait ce genre de. Bah, y a, de... Alors, c'est que du français, mais francopholiste, j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça. Ouais, ouais, tu ouais, mélanges un peu du rap. Et moi, ça me va. Ouais, c'est ça. Même il y en a plein, même les Garo Rock, des festivals comme ça. Tu trouves un peu, tu vois. Mais des... c'est quand même des têtes d'affiche, non, j'ai l'impression. Non, c'est pas. Il y a aussi des plus petits groupes. Quand je parle de festival, pour reparler du fait, parce que c'est le seul que je connais, moi, je vois pas trop. Enfin, je vais pas voir des festivals. Ouais. C'est le seul festival que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Il y avait ce truc de. Ok, t'as des giga méga star devant 60 000 personnes et t'as des petites scènes avec un groupe de punk qui sont devant 20 personnes et je me dis t'as ça aux Ardentes en vrai. Voilà, t'as ça a l'air d'être ça les Ardentes. Fait, c'est un peu ça. Mais qui est déjà 100% rap. Mais ouais, c'est ça, que, j'avoue que tu veux en venir. Je dans me dis, tu vois, de... c'est cool, tu vas voir Jay-Z, mais en même temps, dans l'après-midi, t'as vu un groupe que tu connaissais pas mais qui kick et c'est ça, cool. Ça existe moins. Tu vois, et ça, je me dis, ça on n'y est pas encore. Par contre, moi, j'ai fait le Hellfest cette année. Ah ouais, ça, mais oui, il a fait une vidéo. Incroyable. Ah, j'ai pas vu. Franchement, ça m'a. Moi, j'ai été choqué. Bah, c'est Disneyland. Mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est rigolo. Parce que tu vois qu'il y a toute une culture. Enfin, tu vois, qui est là. Enfin, le festival est là depuis super longtemps, etc. Et il y a vraiment un truc de genre. Ouais, il y a la nouveauté, mais il y a aussi, genre, tout un truc, tu sais, de respect aux anciens, avec des anciens groupes, etc. Ouais. Ce que nous, on n'a pas encore dans ces festivals-là. En fait, il y a que des jeunes, globalement. Tu vois, et on n'a pas encore même de festival où tu peux avoir, genre, je sais pas, les deux balles de neige, n'importe quoi, qui vont rapper à côté d'Alpha One. On n'a pas encore cette diversité-là. Ça arrivera peut-être. Ouais. Et même, tu sais, quand je parle de culture, je parle de tout ce qu'il y a autour. Tu vois, le côté, le village en carton-pâte que tu as quand tu rentres au Hellfest. Oui, il y a vraiment tout un truc vraiment qui, qui m'a assez fasciné. Et je me suis dit, l'ambiance était cool, en fait. Je m'attendais pas à ça. Tu m'as donné envie qu'il y ait un Hellfest du rap. Mais en tout cas, moi, cette année, je vais retourner au Hellfest. Viens avec moi. Oh. On va, je sais qu'il déteste les gens globalement. Non, et le métal. Je déteste quand il y a plus de 5 personnes. Bah, et je crois que de la fin de faire chier, t'as un peu de chier. Je déteste la foule, je déteste. Il y a un peu gens. Plus, c'est un peu oui, plus. Oui, je sais, je sais. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais X, anciennement Twitter, a publié son premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus exigé par le Digital Service Act de l'Union Européenne. Ah, je sais, je crois. Et alors, la France est loin devant les autres pays, à votre avis, sur quel... Je sais. Alors, attends, un petit peu, on attend un petit peu. Ouais. On est médaille d'or d'un truc, à votre avis. C'est horrible, j'imagine. C'est pas le meilleur truc. Pas le meilleur truc. C'est même presque la réponse. Insulte en ligne. On est le pays le plus haineux. Ah, tout simplement. Violence en ligne, on est number one. Number one. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'on est grand premier. Ah oui, on est loin devant. C'est, fou, oh là, c'est là. Ça. Ouais. Effectivement, en France, il y a eu plus de 16 200 suppressions de messages. Et les numéros 2, c'est l'Allemagne avec 7 000. Ah donc ouais. C'est vraiment quoi. Plus de la moitié. C'est incroyable. Et après, l'Espagne. Comme quoi, tu sais, le cliché de nous, les Français, on est des râleurs. Hein. Ouais, des harceleurs aussi. calmos quand même. Mais d'ailleurs, alors, c'est pas du tout du harcèlement du tout. Mais moi, là, Adrien a fermé ses DM. Ça ne veut pas dire qu'il faut me les envoyer à moi pour que je lui renvoie. Parce que vraiment, ce n'est pas notre relation avec Adrien. Non, oui. Mais non, d'ailleurs, non, toi, mais... tu n'as plus de compte Twitter si je ne dis pas de bêtises. Ah, là, on parle sur Insta, là. Moi, je parle sur Insta. Ouais, moi, j'ai un vieux Twitter. Par rapport à parce que t'avais. J'ai supprimé mon Twitter. Ouais, voilà, j'ai supprimé mon Twitter. J'en ai recréé un qui est juste dans le but que mon nom soit associé à un compte, au cas où. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est fait, disons. Et des fois, j'ai partagé genre une bande-annonce d'un truc que j'ai fait. J'ai pas vu, j'étais sur l'ancien encore. Mais j'y vais plus. Je me suis rendu compte que tu n'étais plus sur Twitter. Non, moi j'étais assez même friand de Twitter. En fait, ce qui s'est passé, c'était en deux temps. Moi, Twitter, c'était vraiment vanner, faire des vannes. Ouais. Quand je dis vanner, pas des gens, hein. Je parle de des one-line, des trucs comme ça. Ouais. Des boutades. Des boutades, ouais. Des blagues, des jokes de papa. Des bons mots. Ouais, voilà. Et après, moi, surtout, j'ai fait bloquer. Et en gros, bloquer, c'était mon Twitter en vrai. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de one-line et de trucs. Du coup, j'ai supprimé mon Twitter en me disant j'ai récupéré des vannes que j'avais mis sur Twitter. Okay. J'ai supprimé mon Twitter et derrière, ouais, je te dis. Donc tu l'as supprimé pour ça, pas par rapport justement à la haine en ligne ou. Moi, j'ai toujours été très. Relou. Alors le climat est atroce et moi pour le coup c'est pour ça que je vais plus du tout sur Twitter. Okay. Mais par contre non, j'ai pas supprimé. Moi j'ai personne me fait chier. Ouais, moi, t'as vrai, pas j'ai jamais reçu. Plutôt protégé. Non, après moi je suis très sensible donc c'est vrai que le moindre truc peut me faire chier aussi, tu vois, juste chier sur ce que je fais en règle générale. Mais c'est plus, ce qui me touche le plus, c'est plus pernicieux. Tu vois, c'est plus des trucs, des gens qui aiment bien ce que je fais et qui d'un coup vont dire on comprend pas pourquoi t'as fait ça, franchement, tu te renies. Et là, je fais oh, ça c'est dur. Alors qu'un gars qui m'insulte, bon, vas-y, je te connais pas. Oui, exactement, ça. Mais je préfère une insulte. Ça te fait moins réfléchir. Ouais, tu dis est-ce qu'il a raison, ce bâtard? Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis vraiment devenu une merde? C'est tu vois ça. Mais vous êtes sensible, vous, à ce genre de trucs? Quand même. Ouais. Moins maintenant, j'arrive à prendre. On en a parlé en plus avec Nifa il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Moi, mais ouais, je l'ai été quand même. Hein. Ouais. Surtout quand. En fait, parce qu'il y a un truc, c'est progressif. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences, globalement, que tu fais des trucs, même si c'est pas ouf, les gens sont globalement assez bienveillants. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des années en fait vraiment de bienveillance. En mode, tout ce que tu fais, c'est super. Tu vois, il y a déjà un peu de critique négative, mais globalement, ça va. Et puis quand tu débutes moins et que, les gens ont l'impression que t'es un peu plus installé, c'est là où. En fait, tu peux être caricaturé plus facilement, on va te critiquer, on va te ramener des trucs dans la gueule, on va dire c'était mieux avant, etc. Et là, tu découvres en fait un truc qui est nouveau, c'est-à-dire pas la critique négative, mais genre parfois la haine, tu vois. Et là, c'est un peu surprenant parce que tu sais pas dealer avec ça. Et là, tu commences à être touché, et puis au bout d'un moment, tu dis bon, de toute façon, en fait, c'est comme ça, je vais pas les changer. Parfois, il y a ces gens-là qui en fait suivent quand même ton travail, mais font ça juste pour te troller. Ouais. C'est relou de ouf, mais en fait, maintenant, ce que j'ai fait en fait souvent, c'est que il y a des fois, t'es là. Tu lis des choses, t'as envie de les insulter, t'as envie de répondre. Et en fait, je bloque. Et c'est ma manière de me dire, en fait, pareil, parce que si c'était pas. Ça n'existe pas. Sinon, en fait, j'ai envie. Tu sais, des fois, t'as envie vraiment d'être aussi débile qu'eux, etc. Et en fait, tu bloques et c'est fini. Ouais. Mais toi, t'en es pas là encore, toi. Non, moi, je réponds un peu des fois. Mais parce que j'en ai peu. J'ai pas je suis pas aussi connu que toi sur Internet. Et puis, tu parles pour un peu. Ouais. Je réponds un peu parce que. Déjà, il n'y a pas un volume de ouf. Ouais. Au début, j'étais en mode, j'ouvrais pas les DM. Et après, quand j'ai ouvert, j'ai vu des trucs un peu relous. Donc, je me suis dit, ah ouais, quand même, et tout, alors que je fais pas grand chose. Ok. Et des fois, en fait, c'est vrai. Genre, vraiment, je préfère juste les insultes. Moi, j'ai quand même pas mal de trucs un peu. Au tout début, c'était un peu miso et raciste. C'est un peu le mélange des deux. Ça m'étonnerait quand même. C'est un peu un mix étrange entre les deux. c'était chelou. Mais après. Bien des preuves. Si c'est. Ça m'étonne. Mais en fait, le truc pas positif, mais genre, c'est presque. Ça m'a un peu aidé à comprendre que c'était important que je continue à faire ce que je fais, parce que moi, et ça fait pas longtemps en vrai que je me suis mis full time à me dire que je vais faire des interviews, je vais parler de rap, et du coup de voir qu'il y avait ça pouvait déranger, j'ai l'impression qu'il y avait un truc de ouais. Ah ouais, c'est parce qu'il y a pas eu trop de meufs comme moi, et donc j'ai pris conscience, parce que sinon au début je juste bah ouais, t'aurais pu juste t'effondrer et dire je pensais même pas, tu sais, au fait qu'il y avait une nouveauté, à ce que je sois un peu c'était un statement que je sois genre Tu l'as pas fait comme ça toi en non fait. Je suis juste bousier de rap depuis des années, donc le truc de déjà de commencer un peu avec Mehdi à ses côtés, truc de parler, je sentais que ah ouais et tout machin, un peu en avant, et là genre maintenant je le sens de genre c'est un peu un statement pour certains et pas un bon statement pour certains apparemment vu les commentaires qu'il y a une meuf aux commandes d'un truc et qu'il y a pas de gars et une go noire en plus donc mais moi ça m'a pas, enfin j'ai décidé de pas le prendre en mode angoisse, même si je suis très angoissée, je me suis dit ah ça veut dire que c'est nouveau, ça veut dire let's go, on y va en fait, il faut que ça existe et que du coup il y aura d'autres meufs comme moi, etc. Mais et donc ça va, j'ai vite évacué. Par contre les vrais commentaires genre critiques qui remettent un peu un vrai choix que toi tu fais, notamment sur les ITV, ça me détruit la gueule. Mais c'est, et heureusement voilà, comme je suis au sein d'une équipe et tout, genre je suis pas toute seule à répondre aux commentaires et on en discute et on évacue vite, donc moi ça je suis assez chanceuse. Mais genre les choix que je fais, quand on les pointe du doigt en me disant que c'est de la grosse merde, c'est trop dur. Toi Adrien? J'ai des périodes des fois où je coupe tout, DM, réponse aux stories et tout. Et c'est juste quand moi ça me fait du bien de un peu de silence quoi. Ouais bien sûr, bah en fait il y a rien qui mais nous après ouvre. je les coupe pas de façon permanente, c'est genre par période quoi, mais après moi je suis vraiment de la team Mehdi dès qu'il y a un gars qui c'est soit il y a différentes gradations, parce que sur Insta on peut faire deux trucs, c'est soit bloquer la personne soit ignorer les futurs messages et alors là moi il y a un petit plaisir de oui tu continueras à m'envoyer des messages, je ne les verrai jamais, le verbe ignorer est déjà plaisant. Je t'ignore, mais moi c'est pour ça, là, Adrien il dit ça parce que récemment il y a un gars qui m'envoie que donc je partage l'affiche ou le lien, je sais plus quoi, de Le Caplin, j'ai écrit son dernier spectacle en disant ouais, c'est sur Amazon et tout. Ça, c'était fou, ça. Et le gars m'envoie, j'ai regardé, je trouve ça mal écrit, je comprends pas ce qu'il y a de drôle, nanana. Bon, et moi j'ai eu besoin de comprendre, mec, et la question que j'ai posée, je lui ai dit qu'est-ce qui t'a motivé à m'envoyer ça, mais j'avais vraiment besoin de comprendre, j'avais un truc, et il me répond bah parce que j'aime bien ce que tu fais et machin, donc. Et je lui dis, mais est-ce que vraiment t'as besoin, et le gars au final a dit, enfin il s'est pas excusé, mais il était en mode oui non c'est vrai que j'aurais pu m'empêcher de, enfin j'étais pas obligé de le faire. C'est vrai qu'il a dit ça après. Mais c'est vrai que j'avais quand même besoin de comprendre, parce que je trouve le chemin étrange, et mine de rien je décèle un truc de ouais, mais vu qu'on regarde ce que tu fais, tu nous dois un peu ça quand même, et je suis pas vraiment d'accord avec cette relation. Il y a ça quand même, je suis là depuis longtemps en fait, je te suis depuis longtemps, je te suis, et vu que j'aime bien ce que tu fais avant, j'ai besoin de te dire que ça j'aime moins, parce qu'on a une relation de confiance toi et moi. C'est ça. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Enfin, t'as le droit de le dire, mais j'ai le droit de dire bah là c'est pas le moment pour moi d'écouter ça. En fait, moi comme je me lève et je fais les trucs en me disant que personne m'attend et que tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. Bah genre je comprends pas des fois les retours en mode non mais attends comment t'as pu que truc, mais fallait faire ci, t'as pas fait ça. Genre je me dis jamais qu'il y a une audience qui m'attend et qui t'a, alors on y va, ça va être quoi son prochain move et... Donc du coup c'est vrai que moi ce genre de retour, je peux comprendre quand t'es fan, ce truc de mais bah juste ton ex move, il a pas kiffé ton ex move, c'est pas grave en fait. Et puis c'est tellement pas dans moi, mon ADN, j'irais tellement pas dire à quelqu'un que j'adore bah ça j'ai moins aimé, enfin tu vois je sais pas. Pareil. Mais par contre c'est vrai que moi je suis d'accord, mais je peux les, enfin, je pense aussi que ça dépend de comment toi tu te comportes vis-à-vis de ton audience, vis-à-vis de ton rapport au réseau aussi. Parce que tu sais, moi je sais qu'à un moment, les réseaux, franchement, j'ai passé beaucoup de temps et je lisais beaucoup de messages, surtout sur Instagram, et qui étaient des trucs super positifs, tu vois. Et je pense qu'en vrai, à ce moment-là de ma vie, ça m'a donné beaucoup de force, tu vois. Et donc, en fait, au bout d'un moment, quand t'es là et que t'as un peu, et je ressentais, je pense, un peu une injonction à me dire il faut que je leur réponde. Tu vois, genre, ils sont là pour moi, il faut que je leur réponde. J'avais pas 10 000 messages, hein, j'en avais, je sais pas, des dizaines, tu vois, c'était à l'époque de la sauce, etc. Genre, et donc, quand toi, t'es présent et qu'en fait, tu leur réponds, t'es là, en fait, du coup, je me dis, c'est un peu normal qu'ils aient l'impression aussi que quand ils ont moins aimé un truc, ils te le disent. Parce qu'en fait, si t'es là à leur répondre dans les 10 minutes sur Instagram, en fait, tu entretiens aussi, et quand je dis tu, c'est moi, hein, c'est moi qui ai vachement fait ça, tu entretiens un peu ce truc-là, cette relation de confiance qu'ils ont l'impression d'avoir, et de proximité. Du coup, bon, mais en fait, pour eux, c'est normal. C'est comme même des fois, tu sais, les gens, ils se permettent des trucs, genre... ah mais t'as grossi là non? Ouais mais ça c'est ce que j'allais ou dire. Avant, avant. Ah les cheveux, ah les, ah, ah c'est bizarre. Là je bloque moi, ça, mal je bloque. Aujourd'hui, tu vois. Ouais, enfin, moi, moi, quand ça vient de gens que je ne connais pas, je bloque. Quand ça vient de gens, tu sais qui, en fait des fois tu remontes les messages et tu vois qu'en fait le gars il y a deux semaines il t'a dit mec c'est la meilleure interview de ta vie ou j'en sais rien. Ouais. En fait tu dis bon il se permet, il y a du culot. Parfois c'est de la maladresse en fait, parfois c'est, tu vois, mais c'est un peu bizarre parce qu'en fait tu leur, tu parles avec. Non mais bien sûr, je dis pas, mais c'est vrai c'est maladroit. C'est aussi, tu vois, vu que toi tu leur parles et tu leur donnes ce terrain là. Bon, mais en fait, à un moment, il y a de la proximité qui se met en place, et c'est comme, tu sais, quand t'es, je sais pas, tu vas être en soirée avec quelqu'un, il y a un mec, tu t'entends bien avec lui, et puis 10 minutes après, il va se permettre de te faire une remarque, clairement qu'il est pas censé te faire, en fait, tu vois. Et parfois, t'as des gens comme ça. Ouais. Et parfois, tu le vois aussi un peu sur les réseaux, et je pense que c'est un peu, entre guillemets, de notre faute parfois, quand nous, on donne aussi, on passe trop de temps dessus. Mais tu vois, et donc, je pense que, enfin, moi, je pense que quand j'ai passé trop de temps dessus, pas de ta faute, tu donnes fatalement trop d'importance à ça. Après, évidemment, c'est pas de ta faute si les gens se comportent mal, mais je veux dire, tu laisses la place pour être touché par ça. Tu vois, tu passes autant de temps. Mais c'est un peu une phrase toute faite que sortent pas mal d'artistes, de dire tu as le droit de pas prendre le négatif, mais dans ce cas-là, faut pas prendre trop le positif aussi, quoi. Non, c'est tout, c'est cliché, mais c'est vrai. Et moi, je suis un peu dans cette team-là. Ouais, j'essaye de. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui envoient des messages. Prendre le positif, mais il faut pas que ça le laisse te monter à la tête de la même manière que. C'est vrai que. Mais parce que je sais plus qui disait ça. On a déjà parlé un peu des fois de commentaires un peu nuls qu'on avait reçus. Donc ils disent mais nous, on envoie des messages gentils et vous répondez jamais. Et en fait, vous répondez qu'aux gens qui. Ça m'en fout. Et tu dis bah oui, mais parce qu'en fait, j'essaye de pas prendre le positif aussi. Je l'entends et il me fait plaisir. Et t'as raison, il donne de la force. Et c'est trop cool d'envoyer ça. Mais c'est vrai que moi, je réponds pas beaucoup et en règle générale je réponds pas beaucoup et effectivement je réponds plutôt aux gens agressifs parce que les gens quand ils la force en plus je trouve ça difficile à part de dire ah merci gentil je me dis bon bah faut que je bosse plutôt bien pour que ces gens continuent à être contents quand je produis des choses donc ça a quand même un effet parce que je me dis je dois des choses à ces gens là mais je me vois pas répondre quoi c'est un truc que je passe pas dans mon ADN moi c'est quand je fais des vannes des blagues en story sur des messages que j'ai reçus un peu énervants et tout et après on me dit ah ouais bah nous on t'envoie des messages gentils et tu les lis pas. Alors déjà peut-être que je les lis, c'est juste il faut savoir que dans les messages qui arrivent dans la boîte invitation, même si on les lit, vous pouvez, il y a pas de truc lu, il faut savoir ce que j'avais dit en story et les gens m'avaient dit si si non arrêtez je sais mieux que vous putain je non le sais, par c'est contre comme je mets un petit bémol parce que je crois que je faisais ça aussi de genre que focus sur les réponses négatives parce que là du coup j'avais l'envie mais en vrai même si c'est des réponses un peu souvent la même chose en tout cas je sais que sur les interviews chez Camino à chaque fois nous on répond à tout et en fait je trouve que ça me fait du bien quand il y a eu un peu les 10 commentaires 20 commentaires pas bien qui m'ont saoulé et bah de focus que sur les gens qui disent c'est mieux. Là t'es bien, machin. Même si je vais répondre genre merci, un petit emoji. C'est vrai que c'est des réponses un peu. Mais apprendre à réceptionner le cool. Ouais c'est vrai. Bien ah aussi, non mais moi je le. Ouais le avec les mains. Non, mais, en fait ça me met super mal à l'aise aussi de répondre au positif comme enfin genre je suis genre la réception de l'affection et du genre ah t'es trop forte, vas-y go girl et tout. Ça me met mal à l'aise parce que il y a ce truc de syndrome de l'imposteur et tout. Mais je me force, je me fais violence à répondre au truc bisounours. Parce que ça vient un peu Mais... me réconforter dans les trucs un peu relous, très détaillés de. Oui, non, mais t'es nul, tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord. Moi, je parle d'un truc très spécifique où, tu sais, je screen un commentaire qui est un peu marrant, j'en fais une story et j'en fais une blague. Et ces gens, les gens disent les messages gentils, tu les mets pas. Bah oui, parce que c'est pas drôle. Ouais, moi, je fais de l'humour quoi. Donc, je vais pas dire regardez, il a dit que j'étais beau, sympa. Hein. Mais cela dit, j'ai un truc parce un que peu. Que je déteste quand les gens font ça d'ailleurs. Cela dit, après, t'es super beau. Bon, bah oui, autorise-moi de te le dire. Et vu que tu fais un TDM, les gens le disent à moi. Donc, pareil, arrêtez quand vous faites. Faut dire à Adrien quand même qu'il y a des gens qui le trouvent super. Oui, arrêtez. Mais je lis les trucs gentils et je suis très très content d'en recevoir, je suis pas du tout un fou qui se nourrit des négatifs. Et puis en plus, à chaque fois que je fais ça, je sais que c'est pas la faute des gens, c'est moi, ça vient de moi, quoi. Mais c'est pas dire les gens sont tous cons. Si tu trouves que les gens sont tous cons, c'est peut-être que ça vient de toi, c'est toi le dénominateur commun aussi, tu vois. Si je peux vous donner un conseil, laissez parler les gens. Bah, on s'en fout, on s'en fout. C'est super. Quelle culture. Finissons sur un truc un petit peu plus léger. Si vous connaissez la marque Doritos, bien sûr. Ils sortent une nouvelle gamme de chips. À votre avis, quelle en est sa spécificité? Molle. Alors c'est pas ça, mais tu t'approches. Elles font pas de bruit. Oh là là, t'as la vitesse. Non, mais il est trop fort. Il a les réponses avant, non? Mais ça, c'est nul, hein, par contre. Non, mais c'est comme la bise. C'est mon jeu, après moi. Elle ne craque pas. Doritos Silence. Ouais, c'est dommage. Non, bah, c'est dommage. Pour le cinéma, relève, pour le cinéma. Je pense qu'elles font quand même du bruit. Puis de toute façon, tu les bon, prends. Bon, alors ton quoi petit... C'est quoi cette news? Elles font du bruit ou pas? Non, elles font du bruit quand tu prends dans le paquet. Oui. Donc au cinéma, c'est. Moi, c'est pas le, le popcorn, par exemple. Les gens se plaignent du popcorn au cinéma. Mais si tu mâches la bouche oui, fermée, tu ne l'entends pas du oui, tout. Oui, mais ce qui fait du bruit, c'est le crrrr. Exactement. Et je pense que c'est pareil avec les Doritos, etc. Donc je, pour ça, je ne comprends pas. Alors, Doritos, faudrait les vendre dans un petit sac en tissu. Ouais. Et là, c'est. Ou il y a quelqu'un qui le met dans ta bouche. Ouais. Comme, ça, comme un pompiste de Doritos. Mais eux, ils expliquent que c'est par rapport aux gamers. Qu'on salue bien bas, qui est les gens qui font des parties sur en Twitch. Ligne, ah. sur Twitch et oh. même entre ah. eux, en réseau, c'est, où des fois t'entends, une urgence, on connaît nos misophones sûrs qui écoutent l'émission, et du coup t'entends des schroum schroum schroum dans le micro, et du coup ça fait chier. Donc, voilà. Doritos Silent qui est sorti. Voilà, on sait qu'on trouverait un peu plus. C'est quoi vous, votre petite allez, marque de chips préférée, goût préféré? Une question très test from the click, je lance ça comme ça. Bah, j'essaie de moins manger de chips quand même maintenant, mais. Quelle a été? Ça peut être pas passé. C'est vrai que les quelques fois. Ouais, voilà. Celle-ci là, celle qui. Ah, moi je trouve qu'elle se la pète. 20 balles le paquet là. Ah, t'appelles ouais. ton banquier avant de les acheter. Ah oh, putain, mais quand mais même. C'est bonnes. Satisfaisant. Ouais, mais ouais, moi je les aime pas. Moi je trouve qu'elle se la pète. Arrête, arrête. Ah, non. Non. Il y en a au poivre là où je sais pas. Oh, c'est cause, c'est cause. Même à la truffe. Ah, vraiment. En fait, le goût est ouf. Ouais, ouais. C'est de la cuisine. C'est de la gastronomie. Il a un palais d'enfant de 12 ans. Moi j'ai un truc bizarre avec ça. Ouais, pas que ça j'aime pas quand ça se la joue la bouffe. Non, non, mais j'aime pas quand c'est. Mais non, justement parce que c'est pur quoi. C'est non, la patate c'est douce, c'est la betterave. Moi j'aime c'est... la Lay's. Non, la Lay's paysanne basique avec les dents. Moi déjà faut que ça croque un peu. Je connais mon gars. J'aime les Monster Munch. Elle craque dans les Monster Munch. Et Monster Munch barbecue, niquez-vous. Monster Munch basique, très bien. Je connais mon gars. Ce qui le dérange dans les Tyrells, c'est que ça a le goût de pomme de terre. C'est ça. C'est ça qui le gêne. C'est exactement c'est ça. Oui. La dernière fois, ma meuf s'est toute ma gueule. Je fais oh putain, il y a un truc. T'sais, j'avais une Madeleine de Proust. Je fais, oh, tu sais que j'ai envie de manger ce soir. Donc je pense qu'elle s'attendait à quelque chose. Je fais du cervelas. Tu sais, ce truc rouge. Ah, là, oui, c'est la... ouais. ouais, on n'a pas envie. Non, mais et moi, en fait, si. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Genre vraiment la baguette fraîche et le ouais. cervelas. Bah, et y je y a sentais un truc. Que. Ouais, où suis-je? Et non, mais c'est pas bon. Non, mais c'est pas bon. Ah, moi je trouve ça bon. Mais c'est bon dans le sens. C'est réconfort. C'est drôle parce que ce matin, je matais un épisode d'Argent et de Sang, la série. Oui, bien sûr. Avec déjà, tu regardes femme. Des séries parce qu'il faut se dire qu'on enregistre à 10h30. Tu oh, regardes des séries à 8h30. Frérot, je suis debout depuis 5h30. Ben ma oui. fille me fait vivre un véritable enfer. Là, j'ai la dalle. Pour moi, il est 14h là. C'est l'heure du goûter, ok. Il est midi. Non, on n'a pas la même. En ce moment, c'est compliqué. Et donc, on regarde un épisode. Et à un moment, je fais pause et je lui dis. C'est ce que j'ai envie de manger là, des pâtes au ketchup. Et j'ai eu la mais même oui chose que toi. Ah, et puis ouais, tu vois, vraiment plat c'est d'enfant. La même chose. Tu vois avec non, non, plein c'est de ketchup. Il si. Y a le c'est mot cerveau. Dans un des deux plats, il y a le mot cerveau. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu manges le cerveau-là avec celui avec les olives ou pas dedans? Non, non, non, le basique. Ouais, ouais, ou le avec basique. Un petit bout de avec un couteau, t'enlèves la peau rouge ouais. et tout, ouais, et tu l'engouffres dans ta. Tu ne le mâches même pas. Tu l'avales quasiment directement. Non, mais déjà j'ai un rapport. Ouais, il a raison. J'aime pas. En fait, déjà mâcher, goûter, j'aime pas. J'avale très régulièrement. Ça va directement du plat à l'œsophage en fait, il y a pas de contact avec la bouche. Non mais d'accord. Alors, pour répondre à la question, il y a Vico, ils font des alors c'est pas des chips mais c'est des petits gâteaux apéro quoi qui sont à base de lentilles et donc un peu moins gras que je sais ah plus ouais, le nom okay. exactement et ils en font aux oignons caramélisés. Oh là là. Oh mais oh il est trop technique lui. Non, non, mais j'ai vu ça raconte de ouf. Moi j'ai un petit péché. Non mais c'est pas du tout raffiné hein. C'est un truc que tu trouves en supermarché. Oignon caramélisé. Bah attends, calmo, ça on va. Est déjà dans du... ah, c'est pas du cerveau là, c'est sûr. Pardon, c'est pas on a ouvert le crâne d'un animal. On a sorti son cerveau, on l'a mis sur et du on l'a gobé. On l'a gobé. T'enlèves la peau rouge, t'as dit. Ça me dégoûte. C'est trop bon. Chers amis, ça fait une heure et demie qu'on parle. Et Adrien a un jeu qui va nous régaler plus que tout. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un rap jeu? Bah, yeah, j'ai fait un jeu spécialement pour vous. Bah, oui. Alors, je tiens à dire que Mehdi aime trop gagner. Donc déjà j'ai une pression oh, wow. monstre. Non mais là. On est pas l'un contre l'autre. Moi j'ai animé. On compte pas vraiment oh. les points, nous tu sais. Ouais, on compte pas les points. Bah, déjà vous pouvez pas dire sans la présence de Mehdi de où. Je dois dire quand j'ai fait ce jeu. C'est l'image que tu me donnes. J'ai fait ce jeu à Jean-Pascal quand il y avait Jean-Pascal Zadi. J'ai dit on compte pas les points. Il a compté les points. Bah oui. Bon. sauf quand il a commencé à perdre. Où il a juste menti. Où il a juste menti. C'est vrai qu'il était fou. Il a perdu. Il a perdu. Non, donc voilà, c'est un petit indice. J'ai fait un jeu plusieurs fois dans le Floodcast qui s'appelle Rap Réel ou Rap Méniel. Ah oui. Où je donne des paroles et il faut savoir si c'est des vraies paroles et auquel cas il faut citer l'artiste évidemment et éventuellement dur, le morceau. Ou alors est-ce c'est dur ça. Bon là ça va pas être dur. On l'avait déjà fait, je crois qu'on avait fait. Mais il est rapide, j'ai la pression là. Non, mais il y a pas de rapidité. Vous allez tous, vous allez je perdrai quoi qu'il arrive. Non, mais, vous allez tous les trois donner une réponse, c'est tranquille. Voilà. Bon là, il y a un petit twist parce que je me suis dit bon, ce jeu, c'est trop fort, je blouse tout le monde. Non, pas du tout. D'ailleurs, ça m'a bien retombé, ça m'a explosé en plein visage parce que c'était très dur à écrire. Mais je me suis dit, Nifa, tu es fan de Josiane Balasko. Ouais. Voilà. Mehdi, la comédie française, le cinéma de manière générale, la comédie française. Ça te plaît, t'aimes ça? Ah ouais? Non, pas trop. Tant qu'il n'y a pas Samuel Le Bihan, on va refaire et tu vas dire oui, je vais reposer la question. T'aimes le Cinoche? Tous les films d'Otoniente, c'est mon truc. Voilà, non, non, mais attends. Thomas Gilou. T'as dit 3-0, t'avais dit 3-0. J'ai dit 3-0 tout à l'heure. Quand même autre chose qu'Otoniente en comédie française. Oui, il y a Thomas Gilou. Un petit bronzé, ça te plaît quand même? Je déteste. Ok, cool. Le splendide, le splendide, je suis désolé. Incroyable. Tout le truc du splendide, j'ai un problème avec ça. Mais c'est fou. Bah, ouais, c'est un super jeu. Que je vais vous vraiment. Non, l'humour. T'aimes l'humour. T'as déjà entendu une blague? Oui, c'est un jeu pour l'humour. Toi. Non, mais en vrai, c'est humour. Et puis bon, bah Florent, évidemment, toi, c'est tout très gal. Moi, je suis le plus grand fan du splendide. Oui, je sais. Voilà. L'autre, voilà. Je suis l'inverse. Donc là, c'est simplement un jeu qui ne s'appelle pas. Je l'ai rebaptisé. C'est pas Rap Réel ou Rap Ménial. C'est Rap Comédie. Comédie ou rap adridri. Et donc c'est des paroles qui font référence à soit un humoriste, soit un acteur ou une actrice de comédie, soit un film de comédie française. Pas mal. Ah, il va être fort. Et il faut me dire voilà, déjà si il faut d'abord dire rap comédie ou rap adridri et ensuite si c'est rap comédie, bah qui d'accord. Quel morceau, quel est le voilà. Allez. Et on compte pas les points, on est là, c'est à la bonne franquette. Mais c'est Jacques Martin. Et on essaye d'aller vite parce que en vrai, j'en ai écrit pas mal. Ah ok. Et évidemment, donc parfois, bon bref. Allez, premier, on commence tranquille. Ni Plata ni Plomo ont fait que parler. Je pèse comme Coco, Gad Elmaleh. Oh. Rap comédie, rap adridri. Rap adridri. Rap comédie. Rap comédie. Rap comédie, je pense. Rap adridri. Alors, ceux qui ont dit rap comédie peuvent-ils me Non, je pèse comme Coco, Gad Elmaleh. J'ai l'impression d'avoir entendu, mais je saurais pas qui non. Est-ce j'ai que pas tu le veux nom. Même pas tenter non. Redis le début. Plata ou Plomo, bah déjà j'ai pensé à la crime évidemment. Mais ni Plata ni Plomo ont fait que parler. Je pèse comme Coco, Gad Elmaleh. Si tu l'as pas, si tu veux ouais, pas ouais, tenter. Ouais, la fouine, parce qu'il y a un peu du hashtag rap, la fouine. Ouais. Ouais, mais moi je pense qu'Adridri, il écrit bien des trucs de rap. Ah oui, bah, il l'a déjà prouvé. Hein. Là, j'ai un peu plus galéré sur celui-là, donc je pense que ça va se voir très vite quand c'est moi. Alors c'est rap comédie, c'est du vrai et c'est Booba dans le morceau Signé. Ah, le dernier morceau, effectivement, il est récent, c'est vrai. Voilà. Ok, incroyable. Je l'ai écouté qu'une fois, mais ouais. D'accord, très okay. Bien. Ouais. Parole suivante. Je t'entraîne au bout de la nuit, comme les démons de minuit, posé comme Thierry l'ermite, champion comme Thierry Henry. Non, ça c'est Dridri. Je suis pas sûr. Dridri. Rap Dridri, moi, pour moi. Rap comédie. Ouais, moi je pense rap comédie aussi. Et est-ce que vous pouvez. Ah, je donc vois c'est que... ça. S'il y a un mec qui a écrit ça, je vois peut-être un Al Capote ou un. Ouais, Al Capote ou. Ou un Seth Gecko. Ou peut-être même Jul. C'est rap comédie, mais c'est ouais. Soprano. Oh. Dans le morceau La Boum. Incroyable. Alors, incroyable. Il faut savoir que aussi bien Al Capote que. Seth Gecko ont cité des gens du Splendide, ouais, en l'occurrence Thierry l'ermite, les deux. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Mais ils sont pas dans le piège. Ils sont pas dans le coup. J'ai fait une petite. Un petit piège. Il est pas allé dans les évidences. Non, bien sûr. Bien sûr. Un digger. Bon, je ris à l'avance donc ça. C'est toi quoi. Il a dit oui. Ça voilà. C'est moi. Ça vous va? Ici, il y a pas de vol. Attends, oui. Ici, il y a pas de vol à l'arrache, pas d'usi, pas de flingue. Tu te prends pour Vincent Lagaffe dans le film Le Baltringue. Ah ouais. C'est vrai que ce film existe. Ouais. Ce voilà. Film existe. C'est toi ou les sages poètes de la rue. Mais c'est, voilà, ça se joue. Non. Alors, parole suivante. Frère, protège tes arrières ou tu vas vite échouer. Les vrais gars se font rares comme les veuches à Fabrice Eboué. Ah oui, ça existe. Rap comédie. Ouais. Rap comédie, ouais. Ouais. Je pense. Mais Eboué, elle est bien écrite. Hein. Et Eboué en a parlé, je sais plus où. Il en a parlé dans une interview, donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Je pense que c'est jeune rappeur, ça. Ouais. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas qui. Attends, Je mets un petit timer. Qui est Gollery, un gars. Non, ça aurait pu être une phase d'un jeune crack, mais c'est pas lui. Non. Il est pas. Si, il est Gollery, il est comme. Mais pas Gollery comme ça, avec un. Gringe, n'importe quoi. Ah mais oui, mais lui, je pensais à un mec comme ça. Ouais. Mais en plus, il est pas si. Je vous dis tout de suite, c'est du Adridri. Ah non, mais attends, alors attends. Elle est bien écrite. Hein. Il y a une vibe, il y a une chanson de rap. Une chanson de rap. Déjà, t'as dit vibe avant. Non, mais Fabrice Eboué dans une punchline de rap, je te jure que j'en ai vu une passer. Ah oui, ça c'est possible. Je regarderai. C'est là qu'il est fort. Sur Genius, ouais. J'ai pas cherché. Damso apparemment a cité Fabrice Eboué dans une punchline de rap. Ah ouais. Je vous le dis. T'es Damso en fait, excuse-moi de te le dire. Non, il nous a bien eu là. Non, mais. Je vais la chercher, je vous la donne. Ok. Alors. Dans Dealer. Celle-là, je pense que vous l'avez. Ah, Dealer, j'aime bien ce morceau. Ouais. Les mouchards, ceux qui fricotent avec des flicards, des tricards, des têtes de bâtards, Tard Jean-Marie Bigard. C'est rough ça. Non. Ça pourrait être rough ça. J'attends que tout le monde réponde. Moi, je sais pas qui ce serait. Il me semble qu'il faut pas répondre, c'est rough. Il faut répondre. Pardon, rap comédie, excuse-moi. Non mais le morceau on le connaît. Enfin c'est dur sans le flow. Mais je crois que c'est. Ah oui, c'est dur. C'est ça qui me sauve. Parfois. Non, je crois que c'est rough. Hein. Bon, je vais vous le dire parce qu'il faut aller vite. C'est rough. Ah, joli. C'est dans le morceau Le Milieu. Et donc Damso dans la chanson Dealer a effectivement cité Fabrice Eboué, mais alors pas du tout sur les cheveux. Et ta carrière matrice, ta calage factice, sombre et neuf, je vais t'ébouer comme Fabrice. Ok. Voilà, donc, on peut le dire, celle d'Adrien est mieux. Voilà. Donc Damso, redescend. Des os Damso. Le nom de mon album. Ok. Froid comme l'Alaska, chaud comme Tabasco. Les bronzés vendent de la neige à Josiane Balasco. Ah non, ça c'est toi. Adridri. Ah non. Ah ouais. Je crois que c'est rap comédie. Non. Ah ouais. Ah tu l'as alors. Non, je l'ai pas, mais il est vraiment fort parce qu'à chaque fois c'est le doute. Mais je crois qu'elle existe. Les bronzés. Si. Mon ego est. Les bronzés vendent de la neige maximum. À Josiane Balasco. Si, elle existe. Moi je dis rap comédie. Tu dis rap comédie. C'est McTayer? Rap comédie. Ah. C'est Dinos. C'est Dinos. Ah, dans le morceau moins un. Ouais, avec Nekfeu en plus. Ici, Josiane Balasco, tout simplement. J'adore. D'ailleurs, je fais une parenthèse. J'ai une story épinglée où je cite tous les morceaux qui. Enfin, pas tous les morceaux, mais les membres du Splendid qui sont cités dans le rap français. Il y en a pas mal. Thierry Lermite, je crois, est number one de mémoire. Ouais. Michel Blanc, très peu cité, Michel Blanc. Il y a deux morceaux avec Michel Blanc, dont un de Aketo. Ah, ça m'étonne. Ah, oui, bah, il dit Michel Blanc a conclu. Oh. J'ai rematé ma story. hier, j'ai regardé. Ok. Au-dessus des lois et des youvois, petit et gros bonnet, on va pas se quitter, pas splitter, Élie et Dieudonné. Oh, si, ça doit exister, ça c'est joli. Rap. Point vert. Oh là, ça peut être lui. Oh là, moi je dis rap Adridri. En tout cas, j'aime bien la phrase. Ouais. C'est joli en tout cas. Moi je dis rap, je trouve ça tellement bien, c'est pour un rap comédie. C'est Adridri. Oh là là. Je connais ça plus. Alors, parole suivante. On va aller vite. Mais oui. Tu crois qu'ici se cache un tas de timpes et 1500 calaches, mais la vie c'est pas le baltringue avec Vincent Lagaffe. Oui, ok. Oui, bon bah d'accord. Ouais, c'est pas cela. C'est un petit cela. Ok. Parole suivante. Je fais crier ces putes, mais je les mets pas en cloque. Je leur mets tout dans le huc. Oh là à la là Jeff Panacloc. Oui, ça c'est comédie. Rap comédie. Elle existe. Elle existe. Oh là là. Ah, viens, on essaie de trouver qui c'est. Bah, c'est pas cette gecko ça. Il en a Panacloc, fait avec Jeff Panacloc. Ouais, cette gecko de fou. Hein. En fait, le virage est intéressant. C'est d'une extrême violence. Et ça finit avec Jeff Panacloc. C'est assez. On ouais. a un peu de douceur. Ouais, c'est ça. C'est la photo à la fin du Space Mountain. Ouais, c'est ça. Non, bah oui, je rap comédie, mais je saurais pas dire qui. Alors écoutez, il y a peut-être une vraie phase qui existe, mais c'est du rap Adridri. Ah ouais! Oh là là! Il y en a une avec Jeff Panacloc. En tout cas, le IQ rap de Adridri. C'est incroyable. Bah, il me semble qu'il y en a une. En l'écrivant, je me suis dit, ça m'étonnerait pas que Al Capote ou Seth Gecko ait fait. Mais bon. Écoutez, voilà. Ouais. Mais il me semble, Jeff Panacloc. Il y a une rime. Je cherche. Ouais, il me semble. Bref. Ah, moi, je suis en Alka. Mais, hey, mais par contre, le IQ rap est incroyable, là. Merci. Ça veut dire ça a écouté beaucoup, beaucoup de rap pour être capable de faire. Ah, bah oui. Être aussi proche. Attention, quand même le chef du hip-hop en France. Ouais, ouais, le représentant du vrai hip-hop. Oui, ouais, ça, c'est lui, bien sûr. Alors. Ces rappeurs sont des choristes. Gérard Jugnot avec Morange. Je suis extravagant et classe comme un gros Range Rover orange. Rap comédie. Ça, c'est un rap de Ridri. Ah ouais, encore ? Moi, je pense que c'est lui. Là, là, tu sais, il sait qu'on est pressé par le temps. Il veut nous étaler. Là, il fait sur nous, là. Là, il veut. Ah, tu le connais trop bien. Peut-être pas. En fait, c'est pas moi, mais c'est quand même flatteur parce que c'est Alpha One. Oh. Ah. Alpha One, la lumière dans le noir. Ok. Voilà, donc je suis Alpha One. Alpha One et Damso. Et Damso et Alta. Désolé, le meilleur rappeur français. Écoute, il y a une chanson, Adrien, qui s'appelle Jeff Panaclock. La chanson s'appelle Jeff Panaclock. Ouais. Akhenaton et Nicolas Craven, featuring Caballero et Jean Jass. Ah, ça fait, wow. Mais oui. Et oui, ils disent, il y a genre un an. Ouais, et j'aurais jamais pensé à ça. Eux se disent, les bâtards incultes acquiescent tout en bloc, ils te foutent leur main dans le cul, comme Jeff Panaclock. On est aussi dans la main dans le cul, évidemment. J'étais plus sale. Ah, bah attends, t'es sale. Je suis sale. T'es sale. Je suis sale. Si sale. Seul et si sale. Oui, ça c'est le deuxième album. Deuxième album. Une fois que Damso t'aura massacré en battle, tu reviens par la petite porte. Oh, j'ai envie de voir cette carrière. Peut-être pas. Ok, suivante. Je perds fort à la chaîne comme à l'usine, des gros culs, des petits. Je te baisse fort même si t'es ma cousine. Bienvenue chez les ch'tis. Non, c'est toi. C'est moi, je vous le dis. Voilà. Allez, super, bien sûr. Alors attendez, je regarde si j'en. Bien sûr, non. Si un rappeur nous écoute et veut mettre tout ça en musique, non, Ghost qui se serve. Mais qui se serve? Si quelqu'un veut Ghostwriter, je suis là. Ouais, ok, on me demande quoi de neuf. Je me prends pour Raymond DeVos. Rien plus rien plus rien, Dinos. Multiplié par 3, ça fait rien de neuf. Ah ouais? C'est Dinos. Ouais. Ah ouais? Qui cite Raymond DeVos? J'étais surpris, j'ai cherché. Est-ce que quelqu'un a cité Raymond DeVos? Eh oui. Donc Dinos, Balasco, DeVos, ouais. Il est là, le mec. attendez, j'ai l'impression que j'en ai. Est-ce que tu parraines ce petit, Adrien, vu que t'es le représentant du bébé? Est-ce que tu parraines? Oui, je voilà. Le prends sous mon aile sans problème. Ok, d'accord, très bien. Ça lui fera plaisir. Fais pas le dingue, t'as sûrement fumé, toi, t'as halluciné. Le baltringue a seulement une étoile sur Allociné. À votre avis? Et bah, c'est Kerry James. Non. Et en plus, c'est factuel, effectivement. Le baltringue n'a qu'une étoile. Ah oui, bien sûr. Non, ouais. Tout est vérifiable. Et alors, j'ai des questions bonus. Est-ce que ça vous dit? Ou là, ça ne, est, ça ne cite pas spécifiquement des. Donc, c'est que des vrais là. Ça ne cite pas spécifiquement des comédies, mais ça a un rapport avec une comédie. Il faut trouver avec la comédie ou l'humour. Ah, ou... ça me plaît. Okay, okay. Il y en a que 3. Ok. Alors, c'est la dèche, c'est rêche. À Monaco, tu payes pas d'impôts. À Marseille, faut sortir l'oseille. La comédie. Il y a un bruit. Ouais. Il y a un. Alors, c'est que là, c'est que du vrai truc. Mais j'entends pas ton chat qui gratte sa litière par hasard. Peut-être, je ne sais pas. Non. J'espère que c'est ça. Sinon, ça c'est une ref, un film, ça. Attention, j'ai pas écouté. Il y a un lien avec l'humour. Tu peux redire, avec... pardon. Bien sûr, avec grand plaisir. Désolé, j'avais le bruit qui m'a. C'est la dèche, c'est rêche. À Monaco, tu payes pas d'impôts. À Marseille, faut sortir l'oseille. C'est les tuches. Non. Je sais pas, je te. Bon, après, en vrai, oui. Soit vous l'avez, soit vous non, l'avez pas, je pas, pense. Ouais. Mais attends, si, je peux vous dire. C'est un humoriste qui rappe. Ah! Ah! Bien sûr. Eh bien, c'est. Titoff! Non. C'est madame. Dont on a déjà parlé dans le Floodcast. Dans un jeu que tu as oui, fait. Oui, dans le jeu qu'on avait fait rap jeu avec. Ouais. Oui. Avec Niran et Yirim. Vous avez le mémoire. Et Aslak, ouais. Un humoriste qui. Michael Youn? Non. Ah ouais. Oui, bah ouais. Non. Plus, quand même plus surprenant. Je pense que c'est le seul morceau, j'espère d'ailleurs. Non, bah j'ai pas. Mais c'est Franck Dubosc. Ah. MC Dubouc. Ah oui, MC Dubouc, bien sûr. Il reprenait les fables de La Fontaine. Et voilà, ouais. J'ignorais. Aïe. Bah écoute. Ouais. Oh là là. Et ça se dit fan de rap? Excuse-moi. Pardon. Alors là, encore une fois, voilà, il y a un lien avec l'humour, la comédie française. Bouge ton beau. Non, pas. Bon, c'est terrifiant ce bruit. C'est le chat, non? Ah bah, il y a des travaux. Oui, il y a des travaux. Du scotch, il y a du scotch dans mon couloir. Et voilà. Alors, bouge ton corps ou ton body, c'est Bed Dean, de New York jusqu'à Paris, dans le style ragamuffin. Ah bah, c'est MC Solar pour la comédie musicale Rabbi Jacob, bien sûr. Oh. Bien évidemment. Bah avec un sample. Mais je vous invite même à regarder la qui est moins connue, la bande-annonce de la comédie musicale, puisqu'il y a d'autres chansons, parce que il y a que Rugby Muffin qui est sorti, parce que ça a été un fiasco cette comédie musicale. Hein. Débloqué c'est Patrick Timsit, hein, Patrick Timsit à la mise en scène. Et son nom. Et en gros, la bande-annonce sort et du coup, tu vois d'autres chansons qui ne sont jamais sorties. Ah oui, à la Géralda, on a envie de tirer. Salut, c'est Timsit. Salut. Et il y a même une chanson, mais vous êtes juif. Voilà. Il y a vraiment des gens qui reprennent. Des vous êtes juif. Oh oui. Non, c'est pas ça. Oui, c'est avec Benny B. Non, je sais pas. C'est pas ça. C'est une BO rap en fait. Ouais, c'est ça. Et la alors celle-là, elle est dure. Si vous l'avez, je vous avez tout mon respect. Mais vous l'avez déjà. Énorme. Donc vous avez deux encore tout mon respect, encore plus. Donc ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab, la vie claque comme une semelle sur les pavés. Bah, est-ce que vous avez le morceau déjà? Bah, on dirait ouais. C'est bah, Kenny Arcana, non? Ouais, ça ressemble à ça. Hein. Parce c'est qu'on a Kenny Arcana. Ouais. Le morceau La Rage. Ouais. Mais quel rapport avec, on va dire, un film de comédie française? C'était, la BO, c'était sur la BO d'un film? Ça passe dans un film peut-être? Ça passe ouais, dans un film. Ouais, ouais. On voit ça dans un film, j'imagine. Ah! Je l'ai. Écoute-moi bien, je l'ai, parce que je connais mon Adri. Bah oui. C'est dans le film Place Publique oui. Et Jean-Pierre Bacri. Écoute cette chanson, on découvre même cette chanson, je crois. Et je suis pas sûr parce que je crois bouge qu'il la chante. En fait, il la chante. En fait, sa voiture est garée. Ouais, il me semblait qu'il l'entendait et qu'il la kiffait. Mais en tout cas, voilà, il écoute du Kenny Arcana et Jean-Pierre Bacri écoute du Berry. Qui aimait bien le rap. Hein, ouais, une émission sur Nova, il avait une playlist qui était mortelle. Ouais. Ouais. Il y avait toute une interview, d'ailleurs, je sais plus, mais sur une radio où c'était sur les goûts musicaux des gens. Et lui, il parlait. Je crois que c'était à Nova, je crois, il me semble, de mémoire. Ouais. Oh, voilà, je suis content de l'avoir trouvé. Petit... J'ai le respect d'Adri, c'est pas mal. Non, tu le mérites bien après autant d'années quand même. Ouais, vous l'aviez tous déjà et vous le conservez. Non, voilà, j'ai pas d'autres sur le baltringue avec Vincent Lagarde. Est-ce que vous avez vu ce film? Ouais, je l'ai vu. Ouais, non, sûr. Pas du tout. Si, ouais. C'est moi, horrible ou c'est. Écoute, ça fait partie de ces films qui ont tellement une réputation. C'est presque décevant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde dit que. Et quand tu vis, tu fais. Oui, évidemment, c'est une cata. Mais. Pas assez pas pour que ce soit, ouais. Tu vois, c'est juste un peu ennuyeux. C'est souvent le cas des mauvais nanars, malheureusement. Ils sont un peu ennuyeux. Oui, oui. C'est pas un film. Que... C'est pas assez kitsch, c'est pas assez délirant pour que ce soit. C'est ça, ça va pas assez loin pour que. Il y a des moments, attention, il y a des très beaux moments. Mais une bonne vidéo de youtubeur qui la résume, tu vois, je pense à un gars comme Not Serious, et voilà, c'est très bien. Comme ça, tu vois les meilleures scènes. C'est quoi le nom du film? Toi, tu vas le trouver tout de suite, je pense. Tu sais, il y avait Bigard qui joue une sorte de prêtre ou un truc. Bien sûr, avec Samantha House, enfin le Doody de Samantha House. Tu parles du missionnaire. Absolument. Il y a un double sens. Mais c'est pas genre Farrugia qui réalise ou un truc comme ça? Non, je sais pas qui réalise. Qui produit alors? Non. Mais ouais, le missionnaire, Jean-Marie Bigard. J'ai voulu faire genre je connais le ciné. Un échec. Je connais le ciné. Mais je suis Damso, donc ça va. Et Alpha One. Et Al Capote. Donc oui, on va passer aux recommandations culturelles. Tout à fait. T'avais fait ton travail, toi, tu l'as dit. Moi, Nifa. Alors, déjà. Je te l'ai pas dit par contre, Mehdi, mais peut-être non? Qu'il y a une reco culturelle à faire? Si, je savais, je suis déjà venu ici. Oui, mais on sait jamais, les gens oublient parfois. Hein. Quand même. Déjà, pour les chips préférés, j'ai pas eu le temps de le dire, mais moi, les Triangolini de Belin. Ah, je vois très bien. Des fois, genre, je veux ça. Le côté pas... 3D est plaisant. Et les 3D nature aussi. Ouais. Voilà, et sinon, sinon, j'écoute Jalen Ngonda. Attendez, j'ai pas envie de prononcer son nom. C'est mon dernier, c'est le dernier album que j'ai écouté. Déjà, on dit Ngonda, si je peux me permettre. Mais c'est même. Ok. Je dis ça parce que je me suis fait reprendre parce que j'avais dit Mbappé et on m'a dit c'est pas comme ça qu'on dit. Oui, mais oui, après, oui. Ce qui est vrai. Même. Mais oui, mais parce que lui, il est peint. Les Camerounais, faut pas prononcer, faut faire Mbappé. Mais lui, je suis pas sûr parce qu'il est New-Yorkais. Et je sais pas si c'est un nom de famille d'origine africaine. Il me semble, et moi, que. Enfin, tu vois, il y a. Enfin, je sais pas. Bref. Parce que personne non, ne sait. Dans la en fait, quand il y a le M et pas N, N, tu vois, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ngonda. Ça doit être Ngonda. Je sais pas, j'en sais rien. Bref, Jalen Ngonda. Après, on écorche tous les noms de tous les. Et c'est une découverte récente, puisque c'est vraiment un pote qui m'a fait. Qui me conseillait ça depuis longtemps. Et je l'ai vu en concert hier au Café de la Danse. Ok. Et très jolie salle. Je vais le pitcher comme on l'a pitché, c'est la réincarnation de Marvin Gaye. Oh waouh, dont on a parlé tout à l'heure. Le plus grand album qui a sorti le plus grand album de tous les temps. Mais tout se recoupe. Donc c'est très récent, mais là je suis. Voilà, et tu es d'accord avec ça? Et je suis amoureuse, et puis c'est mon nouveau coup de cœur. Parce qu'on te l'a vendu comme ça, mais tu le vends comme ça. En fait, on me l'a vendu comme ça, et je me suis dit, oh là là, on n'a pas besoin d'en rajouter pour que je vienne avec toi voir ce concert. Et en fait. Ah, mais t'as fait une story où t'en parles, non? Pas encore du tout. C'est c'est très très récent. J'ai pas encore. Non, je partage pas encore ce. Là, je le partage en exclusivité mondiale ici. Ça me dit quelque chose en fait. Donc non, j'ai pas. N'hésitez pas à streamer avant que le podcast sorte. En ce moment, les stories, c'est que des stories de meilleurs couplets d'Alpha One. C'est ça l'actualité de mes stories. Et ce depuis 2 ans. Voilà. C'est une sorte de compte à rebours sur le prochain album. Donc je fais que ça sur Instagram. Mais ouais, Jalen Gonda. Alpha One qui a cité Gérard Junot dans 2 morceaux. J'en ai cité qu'un, mais il l'a cité dans un autre aussi. On adore le Splendid. Sauf Médic. Sauf moi. Ça me déprime. Vraiment, c'est vraiment d'horribles souvenirs de ces putains de films qui passaient en boucle à la putain de télévision. Oh là là. C'est lui, ce micro. Il est plus steam, les Charlots, je le vois bien. Les Charlots, puis la 7ème compagnie. Voilà, ça c'est mon souvenir. Évidemment, c'est mon souvenir, je m'en fais. Je te dis. Mehdi d'ailleurs. Ta recommandation. En fait, alors je savais qu'il y en avait une, mais effectivement, je n'ai rien préparé. Ah bah alors vas-y, Adrien. Moi, je vais dire 2 petits trucs vite fait parce que il y en a un, c'est un jeu que j'avais déjà recommandé, mais j'y rejoue et il est vraiment trop bien. Un jeu qui s'appelle Baba Is You. Je l'avais déjà recommandé, mais sur Switch. Et en fait, je me suis dit, ah, je rejouerais bien à ce jeu. Je vais expliquer très vite le principe du jeu. C'est évidemment un petit jeu indé parce que voilà, je reste fidèle à mes couleurs. en fait, le principe du jeu, c'est qu'on est dans un niveau, on dirige un petit personnage, et il y a des blocs qui sont dans le niveau. Et en fait, ces blocs définissent les règles du jeu. C'est-à-dire, par exemple, il y a toujours un bloc où il y a un bloc baba, il y a un bloc is, du verbe être, et you. Les trois sont collés, donc baba is you, donc ça veut dire. Tu es Baba, le nom du personnage. Cyril Hanouna. Tu es Cyril Hanouna, absolument. C'est le concept du jeu. C'est le concept du jeu. Donc, ces trois blocs côte à côte disent que tu es Baba, donc tu contrôles le personnage. Mais il peut y avoir plus loin 3 blocs. Wall is stop. Donc, ça veut dire que si tu vas contre un mur, ça va te stopper. D'accord. Mais si tu bouges le bloc stop, les règles ne sont plus définies. Et à ce moment-là, tu peux passer à travers les murs. Parce que tu as changé les règles du jeu en bougeant les blocs. Je vois ce que tu veux dire. Au bout d'un moment, donc du coup tu passes à travers le mur, mais tu vas bouger le bloc wall, tu vas le mettre à la place de Baba, et du coup wall is you, et du coup tu deviens le mur. Oh là là. Tu déplaces le mur. Tu te mets à bloquer les gens en fait. Bah en fait à chaque fois le but c'est de gagner en atteignant un certain bloc. Généralement c'est un drapeau. Bon, par exemple, tu peux atteindre le drapeau, par exemple, mais en étant un mur toi-même. Donc voilà, on est. C'est taré ce que tu me racontes. C'est du casse-tête, c'est du puzzle game. Moi, j'adore. Et en fait, je me suis dit, ah, j'aimerais bien y jouer, passer le temps et tout. Et en fait, il est sur iPhone. Il y a une version iPhone maintenant. Du coup, je l'ai racheté sur iPhone et j'y joue en ce moment. Et je me régale. Donc voilà, Baba Is You sur iPhone, excellent jeu. Et encore une appli d'ailleurs sur iPhone. C'est une appli dont. Le Jérôme Bonaldi ici. Nouvelle technologie. Mais aussi Damso, je rappelle. Et Alpha One. Et oui, Damso Bonaldi, le titre de cet épisode, malheureusement. Ah, mon GG. Il y avait toujours des inventions bizarres. C'est bon, c'était génial. Aucune n'a marqué l'histoire de la technologie d'ailleurs, rappelons-le. Absolument aucune. C'est vrai. Déjà, aucune ne marchait déjà quand il faisait la démo. Et en fait j'avais eu une idée d'appli. Je me suis dit, attends, mais c'est une idée géniale ça. Parce que bon, je vous installe le truc. T'étais dans ton garage à ce moment là c'est ça. Non, et je me suis dit, ah à chaque fois qu'on arrive quelque part, on cherche le code du digicode. Et en fait je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas une appli? Tu rentres tes digicodes, t'enregistres l'emplacement GPS. Et le truc te dit, ah bah t'es à tel endroit, bah c'est ça le digicode. Génie, non? Du hacking, et malheureusement c'est... Non, ça m'inquiète. Vous n'avez pas compris. Toi tu enregistres tous tes digicodes. Mais ne dites pas ça. Qui vous invite? Je dis, toi tu enregistres tous tes digicodes que tu connais. Ouais. Et tu dis, il est associé à tel lieu. Et donc quand t'arrives sur le lieu, il te dit, ah bah si t'es à tel endroit, c'est ça le digicode. Mais si tu fais voler ton portable, c'est un aide-mémoire. Oui, quoi. Bah, si tu les notes dans... Fin... Oui, non, c'est vrai. Tu les notes, tes digicodes. C'est vrai. Voilà, sauf que là, juste, c'est centralisé. Ok. Et donc je me suis dit, mais c'est génial comme idée. Bon, ça existe, voilà. Oui, je sentais venir. Et l'appli, elle s'appelle Padlock, P-A-D-L-O-K. Okay. Tu peux même avoir un widget où automatiquement, il va t'afficher le digicode qui est à l'endroit où, le plus proche de là où t'es. Alors, je sais pas si j'ai merdé, mais moi le widget, il marche pas trop parfois, il m'affiche, je suis obligé d'aller dans l'appli quand même. Mais voilà, ça m'a. Moi j'adore les choses qui simplifient la vie, qui. Voilà, donc ça. Bien sûr. Ça m'a régalé. Sublime. Je suis deg de pas l'avoir inventé du coup. Mais... Surtout que t'avais eu l'idée en plus. Bah j'ai eu l'idée. Non mais je serais milliardaire, faut le dire. Alors, c'est pas genre j'ai eu l'idée et 3 ans après quelqu'un l'a sorti. Hein. J'ai eu l'idée, je me suis dit peut-être que ça existe. Oui, oui d'accord. Oui. C'était okay, ça. Hein. C'était pas bien. Genre j'aurais été millionnaire. Non pas du tout. Ça existait déjà et je pense qu'ils sont pas millionnaires du tout avec leur app. Mais voilà. Mehdi. Oui, moi j'en ai jamais parlé, mais bon j'en ai déjà partagé un peu sur Insta. Je suis un grand fan, mais je pense que vous connaissez tous ici du programme Blow Up d'Arte. Voilà, c'est vraiment. Je pense que c'est le truc que je préfère en vrai sur YouTube quand. Je sais pas quoi regarder. Et donc, il y en a que je revois souvent. Évidemment, celui sur De Niro, qui n'est plus disponible sur YouTube, mais qui en ont répertorié. Je sais pas pourquoi ils ont là fait on ça. Là, on sent le geek. Là, on sent. Ouais, ouais, le non, geek. Parce que à un moment, je voulais le revoir. Et en fait, j'arrivais pas à le retrouver. En fait, je l'ai retrouvé via. Bref, c'était partagé via un site et tout. C'est relou. Ouais. Mais bon, globalement, donc, c'est un programme. Donc, en voix off, avec plein d'images. D'archives de cinéma etc. Et ça a toujours un thème. Donc par exemple je sais pas, le rouge au cinéma ou Scorsese c'est quoi tu vois, en 20 minutes ils vont te résumer Scorsese. Ou les bus au cinéma ou les, exactement. Ou, voilà, la fenêtre au cinéma. Ou là récemment avec le avec le dernier morceau de, enfin nouvel album pardon des Rolling Stones, les Rolling Stones au cinéma. Ça, donc effectivement ça, c'est magnifique parce qu'en fait à chaque fois que tu ressors de ces trucs là t'as envie une de rebouffer des films et selon le thème par exemple d'aller pas d'écouter de la musique quand c'est le cas comme prendre ça et donc bus. T'as prendre le bus absolument non mais t'as vraiment un truc genre je trouve que c'est un bon il y a plein de formats sur le cinéma mais là celui-ci il est assez contagieux dans le sens où quand tu finis t'as vraiment envie je trouve enfin en tout cas moi d'aller voir des trucs quoi tu vois d'aller voir des films et à chaque fois ils te parlent aussi évidemment des trucs genre par exemple sur les Rolling Stones ils adorent faire des tops tu en parlais des classements et donc ils font le top des 10 meilleures utilisations de la musique des Rolling Stones au cinéma alors évidemment le numéro 1 normalement c'est Mean Streets l'arrivée de Niro dans le bar et ils le disent oui ça c'est on a déjà trop parlé donc ils te sortent d'autres trucs avec des films que tu connais pas en fait souvent mais c'est ça qui est bien leur top 1 souvent exactement il y a un peu un truc l'évidence de genre, voilà, on veut prouver que voilà, mais c'est cool parce que moi je découvre toujours plein de trucs, même sur des sujets absolument que j'ai l'impression d'un peu maîtriser. En fait, à chaque fois, il y a plein de digressions, ils font des liens avec plein de trucs et c'est passionnant. Ah. Et la voix du mec dont j'ai oublié qui s'appelle. Je vais regarder, Luc Lagier. Alors, et c'est pas le seul, hein, mais c'est lui, c'est la voix, on va dire, un peu emblématique du programme. Que j'adore en fait et quand c'est pas lui même quand les autres font bien leur boulot je suis complètement je suis dégoûté donc voilà il y a vraiment plein de d'épisodes que j'ai beaucoup revus donc je conseille à toutes les personnes qui ne connaissent pas c'est sur YouTube c'est RT qui fait ça et c'est mortel c'est vraiment bien c'est moi vraiment c'est un des trucs parce que je te rejoins à 100% c'est un truc que je regarde tout le temps même maintenant j'ai des petits jeux tu vois quand il y a un thème je dis ah est-ce qu'ils vont parler de ça tu vois j'attends que ça tombe est-ce qu'ils vont le mettre dans le top ah ok ils l'ont mis dans le top etc. Et je vais même te dire mieux moi quand j'ai préparé mon film j'ai des scènes qui se passent dans des décors et je me suis dit ah tiens je vais regarder Blow Up voir comme ça parce qu'en gros c'est un espèce de best of de tout ce qu'a fait le cinéma dans ce décor quoi et donc je regardais et je fais ah ok ah putain ce plan c'est malin et tout trop machin bien. Et voilà donc c'est vraiment une bible géniale de cinéma et je te rejoins la voix du gars et est en super. Même temps c'est ludique parce que ça dure c'est jamais chiant c'est jamais très long donc c'est un boulot monstrueux quoi et en plus t'as des images à chaque fois d'archives donc tu ça je sais pas c'est génial quoi c'est marrant j'aurais pas dit Mean Streets moi j'aurais dit Painted Black de dans Full Metal Jacket. En tout cas, il le cite évidemment. Je sais pas si c'est la numéro 1, mais en tout cas, c'est sûrement la plus citée. Non, mais elle est super. Parce en plus, que c'est top. C'est ce qu'ils disent en fait. Ils disent, bon, voilà, évidemment. Et en plus, eux-mêmes, cette scène-là, ils l'ont déjà citée dans plein de trucs. Quand ils parlent de Ketel, de Scorsese, de Niro. Donc, c'était un peu une manière de parler d'autre chose. Mais j'avoue que moi, je préfère. Enfin, j'adore Miss Suisse. Ah, mais c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu au cinéma pour la première fois de ma vie. J'ai découvert au cinéma ce film. Magnifique. Au Max Linder. Okay. Super film. Puis l'arrivée de Denis. Tu sais, c'est vraiment De Niro. Enfin, il est incroyable, De Niro, dans ce film. C'est un bon acteur, hein. Non, mais dans ce film particulièrement. Il est percé, hein. Non, mais il est très, très jeune. C'est un second rôle et il est très, très jeune. Ouais, ouais. Parce que je pense que tout le monde a l'image qu'on dit, ouais, Scorsese et De Niro. Ouais, voilà, c'est ça. En fait. Eh bien, alors, je vous. Tu sais quoi? Je sais. Calmos. Voilà, je l'ai vu aller vers toi. Je l'ai vu aussi. La chaîne YouTube Calmos qu'on a reçue ici, on parlait comédie française, ce genre que méprise un Mehdi, rappelons-le. Absolument. Et ils font d'autres vidéos. Et ils font des vidéos sur des acteurs, sur même ils créent des liens entre des films. Et ils ont fait une vidéo sur Robert De Niro n'existe pas. Ça s'appelle ça comme ça. De Niro n'existe pas. Donc là on se dit qu'est-ce qu'il raconte par là. Et c'est super intéressant. Ouais, c'est génial. Et ils font super intéressant. Podcast. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Qui envoie du sax. Oui c'est ça. Donc voilà. Voilà. Calmos super bien. Et moi Marocco c'était pas ça. C'est le spectacle de Benjamin Tranier qui est disponible sur Canal Plus et My Canal. Bien sûr. Je vais le voir deux fois je crois. Ah ouais. Si on parle du celui. Le dernier relais. SPG. Qu'il a écrit avec Saïd Saïbdin et qui est vraiment une pièce de théâtre hein, d'une certaine façon, parce qu'il y a vraiment du décor, il y a vraiment une petite histoire Et pff, c'est vraiment trop. Après, moi, je suis allé le voir à Lille. Moi, je suis allé le voir à Lille. Mais je crois que c'est la capta de Lille, hein, je crois. Je me pose la question. Oui, bah oui, parce que. Parce que j'ai reconnu la scène, c'est là où on a joué, nous aussi. Tu m'as entendu rire? Bah, j'étais. Ouais, bah, on voit que toi. Hein. Non, c'est vraiment drôle. Et, ouais. Et c'est vraiment. Moi, j'adore les punchs. J'adore le fait qu'ils tapent sur des gens qu'on s'attend pas à. Bah, tu vois, c'est pas des ambulances. C'est des gens qui disent ah, on a le droit de faire des vannes sur ces gens-là. Ah, ok, bah, il le fait. C'est aussi de l'interprétation. Enfin, genre, il est vraiment bon acteur, ce gars, quoi. Il est vraiment trop fort. Et je trouve ça cool parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. C'est beaucoup de. Comment dire? Il y a moins de sketch, beaucoup de stand-up, tu vois. Et parfois c'est chambé, mais lui vraiment il prend c'est un peu un ovni alors qu'avant c'était la norme, tu sais, genre des sketchs. Bah, il s'est moqué tout ça, c'était inconnu. Il y a des personnages, il y a des trucs, c'est rare. Hein. Exactement, mais dans un décor, ça que je trouve vraiment cool aussi. Donc voilà, le dernier relais de Benjamin Tranier, c'est sur MyCanal. Je sais qu'il a un nouveau spectacle qu'il est en train de rôder et jouer en ce moment aussi. J'ai hâte de voir ça. Et voilà, bon bah, merci beaucoup. Merci, ça fait trop plaisir. Magnifique. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Nifa? Eh ben moi, c'est à Gonifa. C'est ça, pas ton émission. Pas vraiment de récurrence en fonction de comment j'ai envie de les sortir, etc. Mais il y en a plein qui arrivent et qui vont être sur la bien. Chaîne Camino TV. Sur la chaîne Camino TV, donc sur je suis YouTube. Très très fier. Donc il faut rester connecté. Et voilà, ils sont sur des stories, beaucoup de stories. Sur Insta. Ouais, beaucoup de stories. Où tu parles de temps en temps de Josiane Balasco. Oui, souvent c'est Danny Dan, Alpha One, Josiane Balasco. C'est un bout de tête. Ouais, magnifique. Moi, la même chose, hein, Instagram bien sûr, mais le code, donc sur. YouTube et Apple Music, le code review aussi, fait un des formats où je parle de rap globalement. Bien sûr. Et un nouveau programme aussi, j'ai fait seulement deux épisodes avant l'été qui s'appelle Mehdi et demi. Et là, on a un troisième, je sais pas quand sortira l'épisode, mais on a un troisième qui est en train d'être monté. Okay. Dont on est assez content aussi. Donc voilà, c'est un nouveau programme que je fais avec Guiran, que vous connaissez, sûr, qui est auteur et un peu plus que ça d'ailleurs dans l'émission. Et t'avais reçu d'ailleurs Jérôme, je crois. Absolument, l'épisode 2 c'était avec Jérôme Niel et c'était chambé. C'était trop bien. Entre autres, un très bon format. Et c'est là où on a fini au Hellfest justement. C'est dans ce cadre-là que je suis allé au Hellfest. Voilà. D'accord. Et c'est marrant parce que tu te souviens qu'on avait une discussion où je t'avais dit. On en avait reparlé après, mais tu sais, je disais. S'il y a quelqu'un qui pourrait faire une émission. Avec des gens d'horizons différents, ce serait toi. Je trouve que c'est un peu la direction. Ouais, tout à fait. C'est un peu ça qu'on essaye de faire. Ouais, bah merci beaucoup. Et on espère que ça va durer. Trop bien. Bah super. Adrien, Prime Video, il y a de la série. Disney Plus, Antigone, il est superbe, Antigone. Voilà. Killer Coaster sur Prime Video et Antera sur Prime Video et Twitch. Super, trop bien. Adrien Méniel. Bon, bah génial. Et ne pas m'envoyer de DM parce que c'est pas possible. Et les envoyez pas à moi, voilà. Pareil, le moustachu qui fait des saltos, oui, il me ressemble. Voilà, on arrête de m'envoyer. Jacob Acrobat. Je sais pas qui c'est, mais il fait des trucs. c'est toi? Oui, un peu. Non, mais non. On arrête. Non. Bon, merci tout le monde. Merci. Salut, vous. Ciao, bisous. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.